couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 10. Cette semaine, comme toutes les semaines, je vais procéder au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter à notre adresse email qui est la suivante, dempart@setemplar.com. Je répète, dempart@setemplar.com. Les travaux sur le forum avancent, donc ça devrait se résoudre, je veux le croire, assez rapidement maintenant. Je n'ai pas de délai, mais ça ne devrait pas trop tarder. On croise les doigts pour que ça se précise. Avant de commencer l'émission, je vais présenter les membres de la semaine qui nous font le plaisir d'être avec nous. Nous sommes en équipe réduite, mais une équipe de qualité, somme toute. Donc je vais faire un petit tour de table. Est avec nous cette semaine Pierrot. Salut Pierrot, j'espère que tu vas bien après une petite pause d'une semaine. Là. Salut Gandalf, ça va super. On y va à fond, plein gaz. Plein gaz, effectivement. Bon, t'es aussi avec nous cette semaine Merlin, qui enchante les petits comme les grands avec ses sons. Hein. J'espère que ça va Merlin. Salut à tous, c'est Kyle. Est aussi avec nous cette semaine Diabolix. Salut Diabolix. Attends, je pose ma chignole. Bonjour à tous. Je fore des trous dans les pipelines de gaz et les pipelines de l'OTAN pour que Vladimir puisse gagner beaucoup d'argent. Voilà, d'accord, on saura tout. Alors, avant de commencer l'émission, je tiens à remercier les donateurs. D'autant plus que nous n'avons pas pu, nous n'avons pas animé d'émission la semaine dernière, donc on a un petit peu de retard pour remercier les donateurs. Donc comme vous le savez, vous pouvez soutenir l'émission, le site et prochainement le retour du forum par des dons en crypto-monnaie exclusivement, Monero, hein, parce qu'en fait les crypto-monnaies portent assez mal leur nom, par exemple Bitcoin. N'est pas du tout, on ne dit pas crypté en français, on dit chiffré, mais c'est pas du tout, c'est transparent, c'est complètement transparent, chaque transaction est transparente, contrairement à Monero, qui garantit l'anonymat des transactions, d'accord, donc l'anonymat de la personne qui envoie le don, l'anonymat de la personne qui reçoit le don, ainsi que l'anonymat du montant du don, voilà, c'est un très grand avantage. On a vu ce qui s'est passé au Canada par rapport aux dons à caractère politique, entre guillemets, hein, avec Trudeau qui a gelé non seulement les plateformes où était opéré ce type de dons, mais ensuite les comptes bancaires des personnes qui avaient fait des dons, avec la suspension des cartes de crédit, etc. Et puis, il y a toute une série comme ça de mesures qui sont adoptées au Canada, qui ont vocation, évidemment, à être reproduites ailleurs. Et face à cela, il n'y a qu'un seul bouclier, c'est Monero, la crypto-monnaie que nous avons adoptée il y a maintenant de cela plusieurs années, et grâce à laquelle on peut se financer, car toutes les autres plateformes nous sont bien évidemment interdites. Alors, je remercie tous ceux qui nous soutiennent, premièrement, et ensuite ceux qui nous écrivent pour nous signifier leur don. Si vous nous faites un don, n'hésitez jamais à nous envoyer un petit mot pour qu'on vous remercie dans l'émission, bien entendu. Alors, je commence tout de suite avec Adolphe Lévy, qui nous a déjà envoyé des dons. Bonjour, chers démocrates, voici un don de 1,3 monero envoyé de la part de Monseigneur Mayol de l'UP, bien sûr, hein, alias Panzer, dont je me fais l'intermédiaire. Merci encore pour la qualité et la pertinence de vos travaux qui permettent de ne pas mettre la charia avant l'hébreu. Que Dieu vous garde et vous protège. Merci de mentionner le don dans l'émission ou de me confirmer la réception par message. C'est fait, cher Adolphe Lévy. Excellent jeu de mots, ça, mettre la charia avant l'hébreu. C'est vraiment bien trouvé, ça. Bravo, Adolphe Lévy. Bravo. Et merci à Monseigneur Mayol. Don numéro 2. Salutations, camarades. J'espère que tout va bien, ainsi que tous nos camarades. Voilà pour vous un don de 0,10 monero pour aider la cause. Si vous le permettez, je voudrais vous poser deux questions. Ah, la première sur le logement. D'accord. Alors, je sais évidemment qu'il faut quitter les grandes villes comme les villes moyennes, mais je voulais savoir si c'était mieux de louer ou bien de faire un prêt aux Juifs pour acheter une maison en campagne. Et la seconde question donc concerne l'or, car il me semble que quelqu'un en avait vaguement parlé dans l'émission. Ah oui, c'était Porovitch qui en avait parlé, qui trouvait que c'était un placement intéressant. Si j'achète de l'or, nous dit notre auditeur, faudrait-il acheter des pièces ou des lingots, ou bien cela n'a-t-il pas d'importance? Merci pour vos émissions et vos articles. Alors j'ai avalé le nom de celui qui nous envoie ce message, il me pardonnera. J'espère qu'il va se reconnaître, à mon avis, oui, en écoutant l'émission. Alors, donc, deux questions. Qui veut y répondre? Bibi. Qui est Bibi? Diabolix, vas-y. Bon, alors, en ce qui concerne l'achat d'immobilier, alors là, je parle de choses particulièrement terre-à-terre, puisque je l'ai fait. Il y a très longtemps, quand j'étais étudiant, il fallait nécessairement que j'achète un bien, j'avais pas un rond devant moi. J'avais deux options, soit louer, effectivement, ce qui n'est pas du tout une bonne chose, soit m'endetter pendant je sais combien de temps auprès d'une banque, ce qui est une chose encore moins intéressante, soit simplement, et c'est ce que j'ai fait, aller trouver le propriétaire, lui dire, bon, ben écoutez, la situation, elle est simple, je suis étudiant, j'ai pas de thunes, il me faut absolument ce bien, plutôt que de passer par une banque, la banque, c'est vous. C'est-à-dire que je vous fais un virement, on s'arrange devant notaire, je vous fais un virement tous les mois, et quand on arrive à la somme déterminée, eh bien, on passe à la signature et je deviens propriétaire. Alors, j'ai des gens qui m'ont envoyé péter, c'est clair, jusqu'au moment où j'ai un propriétaire qui m'a dit « Ok, banco, je tente le coup », et effectivement, ça m'a permis d'acquérir le bien. Ça, c'est pour la partie immobilier. Pour la partie or, il faut bien comprendre une chose. Si vous avez un lingot, vous avez une somme d'or qui dépend effectivement de la grandeur de ce lingot. Il y en a des petits, il y en a des grands. Mais le gros souci, c'est que vous avez une somme qui est bloquée. Si vous avez des pièces d'or, la somme est déjà beaucoup plus petite et surtout, vous pouvez la répartir parce que vous pouvez planquer vos pièces d'or à différents endroits. Si vous perdez un lingot, vous perdez une somme colossale. Si vous perdez un stock d'or réparti par 5 ou par 10 pièces à gauche à droite, c'est déjà beaucoup moins grave. Avec l'avantage au niveau des pièces, c'est que vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de scier votre bloc d'or pour en tirer quelques grammes. Vous payez avec vos pièces, c'est beaucoup plus simple. Je crois avoir répondu à la question. C'est vrai que dans une optique survivaliste, donc effondrement total de la société, il vaut mieux avoir des petites monnaies à disposition pour faire du troc, donc les pièces. En fait, cette histoire de lingots et de pièces, ça va dépendre de comment est-ce que vous voyez l'effondrement. Bon, si vous ne voyez pas d'effondrement, bon, à venir, forcément, vous intéressez pas à la question. Si vous estimez que c'est pour demain, bah, effectivement, vous envisagez des monnaies de substitution, l'or, l'argent, et en petite quantité. Et si vous envisagez ça pour après-demain, le mois prochain, l'année prochaine, ce que vous voulez, il y a aussi des gens qui utilisent l'or juste pour spéculer. Parce qu'effectivement, on se dit l'euro, le dollar, ça c'est des monnaies de singes. L'or, dans les temps de crise, va augmenter, donc du coup, je vais faire une plus-value. Donc là, c'est pas une optique survivaliste, c'est plutôt une optique je vais profiter d'un pré-effondrement pour pouvoir augmenter un peu en capital. Si vous regardez le cours de l'or, vous mettez bien sûr le taux d'inflation du pays dans lequel vous résidez à côté, mais vous regardez le cours de l'or par rapport à la monnaie locale sur les 20 dernières années, vous voyez qu'effectivement, on est bien sûr largement gagnant sur une longue durée. Enfin, je me souviens que mon père, quand j'étais encore tout jeune, il me parlait de ces histoires-là. Il disait « Ah, il faut que j'investisse dans l'or », et puis finalement, il l'a fait à moitié. Et maintenant, il m'en parle quasiment tous les jours. Ah, si j'avais su, j'aurais... Ouais, voilà, trop tard. En fait, d'une manière générale, il faut investir dans ce qu'on pourrait appeler des unités anti-inflation. Parce que c'est à ce à quoi on assiste, en fait. Les gens voient bien. Alors, il y a plusieurs types d'inflation. Il y a de l'inflation qui est générée par de l'impression monétaire. Et puis, il y a de l'inflation qui est générée par une crise dans l'offre, en fait, c'est-à-dire des pénuries. Alors que les prix montent parce qu'il y a, il y a beaucoup trop de demandes par rapport aux biens disponibles. Bon, en fait, là, une espèce de concomitance, puisque finalement, on a à la fois des banques centrales qui impriment massivement. Vous regardez le bilan de la BCE ou le bilan de la Federal Reserve aux États-Unis, bon, bah, ça parle pour soi, hein, c'est-à-dire qu'il y a une impression massive de liquidités. Et on a des pénuries de plus en plus importantes, surtout en Europe. Surtout en Europe. Ça nous affecte vraiment en premier chef. Là, les gens, je crois qu'ils ont bien saisi ce qui est en train de se passer avec la Russie. Donc, en fait, il y a un conflit géopolitique qui est en train de se mettre en place entre les États-Unis et la Chine, parce qu'en réalité, c'est ça, pour le leadership mondial au XXIe siècle. Et vous avez, en quelque sorte, des terrains d'affrontement. Et la Russie, là-dedans, essaye, en quelque sorte, de se positionner entre la Chine et les États-Unis, et aussi vis-à-vis de l'Europe. Et l'Europe, elle, est une non-entité géopolitique, puisqu'il n'y a pas d'État européen, il n'y a pas de puissance européenne. Hein. C'est un peu la princesse que tout le monde se dispute, en tout cas au plan économique. Et donc, dans cet affrontement, on voit bien que la question des ressources est centrale, et la Russie en a énormément. Beaucoup de gaz, beaucoup de pétrole, des diamants, du nickel, etc., etc., aussi des produits agricoles, ou sinon ceux qu'elle va contrôler en Ukraine, parce que même si l'opération militaire en Ukraine ne se déroule pas comme le prévoyait ou l'anticipait, je ne sais pas, Moscou, ce qui est sûr actuellement, c'est qu'il contrôle toute la côte sud de l'Ukraine, ce qui veut dire que beaucoup des exportations de grains ukrainiens dépendent de la bonne volonté des Russes, donc ce qui leur donne un levier considérable aussi sur les céréales. Donc les Européens de l'Ouest voient les prix monter, ils voient l'économie stagner, voire même se précipiter vers la chute, et ils se disent « mais comment je peux protéger mon patrimoine ?» En tout cas, à mon avis, c'est une discussion qui doit aujourd'hui avoir lieu. Et l'Union Européenne s'y attend depuis un bon moment. Quand vous voyez, dans l'émission, je pense qu'on a été parmi les premiers à en parler, hein, très tôt, il y a peut-être un an et demi de ça, on avait évoqué dans l'émission la décision de Christine Lagarde de mettre en place une crypto-monnaie européenne. Ce n'est pas une crypto, mais chacun se comprend, c'est une monnaie numérique européenne qui remplacerait en fait les billets européens, les billets d'euros, quoi. J'avais expliqué ici que l'objectif, c'est bien de contrôler toutes les transactions. D'accord ? À la fois pour taxer massivement, et puis pour s'assurer que l'argent ne quitte pas la zone euro. D'accord ? Parce qu'ils savent qu'il y a un très fort risque de fuite des capitaux d'Europe sous l'effet de cette confrontation géopolitique. Parce que les capitaux fuient toujours les zones de conflit. Toujours, systématiquement. Donc, si vous ne voulez pas être prisonnier, et c'est ce que nous dit un peu notre auditeur, si vous ne voulez pas être prisonnier de cette inflation qui détruit la valeur des patrimoines, ou des biens, ou même du peu d'argent que vous avez, et que vous ne voulez pas être, en gros, un lapin qui se fait chasser par le fisc numérique européen, vous devez sortir de tout ce qui est numérique. Alors, du coup, vous devez intéresser à ce qui existe. Alors, l'or, puisque c'était ça dont il était question, alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est très difficile d'acheter de l'or. Ça devient très difficile d'acheter de l'or en Europe. précisément parce que à Bruxelles et à Paris, ils savent ce qui se passe. Donc, ils vont pas laisser les gens transformer leur capital présent sur leur compte bancaire ou autre, les transformer en or pour quitter justement le champ de ce qui est taxable. Hein. Donc, ils sont pas idiots non plus. Donc, je crois que peut-être l'argent est plus indiqué. Et quand on parle d'argent, c'est de pièces hein, d'argent. Hein. C'est des pièces d'argent, donc généralement un caractère historique, voilà, mais c'est plutôt de l'argent. Parce qu'en fait, beaucoup de gens se focalisent sur l'or et paradoxalement, d'autres beaucoup moins sur l'argent, dont la valeur, à mon avis, aujourd'hui est très sous-évaluée. Et investir dans l'argent, c'est un bon investissement, selon moi, toujours en pièces, pour les raisons qui ont été dites, d'ailleurs, par Pierrot et aussi par Diabolix. C'est-à-dire que bah, si tu perds quelques pièces, bah, c'est pas grave. Puis deuxièmement, tu peux les utiliser. Ce qui est quand même le but de l'argent, on est bien là-dedans. Ça, c'est la façon dont on entrevoit le futur. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit par Pierrot. Il y a des gens qui pensent qu'il ne peut pas y avoir d'effondrement ou quoi. Moi, je pense qu'on est dans une phase... ça s'accélère, je veux dire, maintenant. Hein. Donc, si vous restez avec du cash, donc des 0 et des 1, sur un compte bancaire, vous allez vous faire voler, comme au coin d'un bois, par tous ces gens-là qui vont dire, ils vont décréter, parce que c'est ce qui va se passer en Europe, ils vont dire, ah bah on fait défaut. Mais ils se seront assurés qu'il n'y a pas de porte de sortie. En ce qui concerne l'or, il y a une chose qu'il faut bien retenir. De l'or, vous en avez absolument partout. Il suffit de le trouver. Je vous explique. Tout ce qui est circuit intégré, tout ce qui est téléphone portable, ça contient de l'or, vous pouvez le récupérer. Il y a des procides qui sont détaillés sur YouTube à ne plus savoir qu'en faire. Il vous faut un peu d'acide, c'est tout à fait trouvable. Si vous ne pouvez pas trouver cet acide en supermarché, vous pouvez le trouver d'une manière beaucoup plus simple. Alors, je ne vais pas dévoiler les choses directement, mais n'oubliez pas que vous avez une voiture. Et sur une voiture, je peux vous assurer qu'il y a de l'acide. Je ne vous dirai pas où. Donc, vous pouvez produire votre or vous-même. C'est pas compliqué. Il suffit simplement d'avoir une bonne cisaille, d'aller découper toutes les petites particules qui sont dorées, et je peux vous garantir que vous allez vous en faire de l'or. Alors, c'est pas marrant parce que il vous faut un atelier, parce que ça pue, parce que c'est pas tellement sympathique. Je crois qu'à l'heure actuelle, on peut quand même zapper le côté écolo des choses, parce que je vous rappelle quand même qu'on est à la veille d'un gros problème et que le jour où il vous tombera sur la gueule, on ne va pas commencer à s'inquiéter de savoir si les obus à l'uranium appauvri, c'est écolo ou pas. Je vous garantis, ça va être chaud patate. Donc, si vous n'avez pas les moyens d'acheter votre or, produisez-le vous-même. De plus, il reste encore dans des caves d'hôpitaux à ne plus savoir qu'en faire et qui occupent des salles entières, des stocks de radiographies. Les plaques de radiographie contiennent de l'argent. Quand j'étais étudiant, j'ai vidé avec une vieille camionnette Fiat des quantités astronomiques de caves d'hôpital pour récupérer cet argent. Donc, il faut bien comprendre que en faisant simplement des bains, acides, vous récupérez de l'argent. Il est de qualité absolument nickel. Il n'y a pas de gros raffinage à faire, et ça vous permet d'avoir un produit que vous avez réalisé vous-même et que vous pouvez négocier au prix de l'argent, puisqu'il sera pur à 99,99999%. Puisqu'on parle de vol, hein, vous faites voler parce que finalement la banque un jour va vous dire « Ah, au fait, monsieur, bah, c'est bien d'avoir cotisé toute votre vie, vous avez bien mis de l'argent de côté. Hein. Ah bah, au fait, on vous prend la moitié ou alors vous ne pouvez plus retirer. Oui, » ce qui se passe à chaque fois dans les instants pré-révolutionnaires, hein, c'est dit en passant. Donc, sachez que même actuellement, vous êtes déjà en train de vous faire voler quasiment tous les jours avec l'inflation, d'accord ? Oui. Parce que, bon, vous avez tous un peu d'argent sur le compte en banque, hein, d'accord ? Et puis, bon, j'imagine que la plupart d'entre vous aussi ont de l'argent peut-être sur un livret A, avec un taux à 0,5% d'intérêt illimité, je crois que c'est à 20 000 euros, d'accord ? Donc, ouais, ça va pas aller bien loin. Ça a été augmenté d'ailleurs, ils l'ont multiplié par deux, mais la bonne nouvelle, c'est que l'inflation aussi a été multipliée par deux. Bah, donc, on est passé de 2 à 4%. En Allemagne, ils approchent des 10%. Hein. C'est des prévisions officielles, donc dans la réalité, vous allez avoir un petit peu plus quand même. Donc, tous les jours, en fait, déjà, vous perdez de l'argent si vous ne comptez que sur la banque. Donc, déjà, si vous avez cet argent qui est dans une autre nature, par exemple, une petite propriété, c'est autre chose, d'accord. La banque ne pourra pas venir comme ça, c'est différent. Oui, mais là, c'est l'État qui va venir avec des taxes, t'en fais pas, ils sont malins. C'est tout le truc. Mais en Allemagne, on est sur des volumes d'inflation énormes, hein, donc, avec des salaires qui ne bougent pas. Donc, c'est le pouvoir d'achat se casse la gueule. Et la Russie n'a pas coupé le gaz encore à ce stade. D'ailleurs, la Russie ne coupera pas le gaz. Ce qui se passerait, c'est que l'Amérique forcerait les Européens à couper le gaz d'une manière ou d'une autre, au titre de je ne sais quoi, enfin, peu importe. Mais et c'est clair que c'est leur intention. Parce que leur intention, c'est d'empêcher l'Europe de commercer avec la Chine. Et plus qu'avec la Russie, c'est avec la Chine l'objectif. Mais ils veulent entraîner, si vous voulez, ils veulent déclencher cette spirale de confrontation en passant par la Russie. C'est ce qui est en mouvement. Mais si vous avez suivi cette semaine, von der Leyen, qui vraiment, elle, est une créature de Washington, quoi, hein, parce que de toute façon, Bruxelles, et d'une manière générale, l'Union Européenne, je veux dire, c'est vraiment Washington, plus que Berlin d'ailleurs ou Paris, hein, c'est à Bruxelles, c'est vraiment les intérêts américains. Et von der Leyen s'est mise à menacer les Chinois en disant voilà, si vous aidez les Ukrainiens, etc., ça aura des conséquences économiques. Bon, alors le problème qu'on a, si vous voulez, c'est que ces gens-là qui contrôlent aujourd'hui l'Union européenne et qui sont aux ordres de Washington ne défendent pas les intérêts économiques de l'Europe. Ils défendent les intérêts économiques des États-Unis. Et pour les États-Unis, transformer l'Europe en jachère industrielle, ça ne pose absolument aucun problème. Il faut bien l'avoir en tête. Les Américains se foutent. D'où l'intervention du directeur général du groupe BASF, Bayerische Aktien- oui. Gesellschaft, qui a annoncé publiquement que si jamais on se privait du gaz et des carburants russes, son entreprise se viendrait lamentablement. Et BASF est un des derniers groupes chimiques, pharmaceutiques importants en Europe. Après, il n'y a quasiment plus rien. Bah oui, c'est un des plus grands mondiaux allemands. Donc, si on regarde l'état de la Deutsche Bank, c'est pas terrible. Donc, c'est un effet domino. Les Américains n'en ont strictement rien à faire. Ils n'ont strictement rien à faire. Donc, en fait, ils sont en train. Ce que font les Américains, très cyniquement, bon, on n'est pas surpris, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils organisent la destruction économique de l'Europe pour empêcher l'Europe, la puissance économique européenne, d'entrer en synergie avec le reste de l'Eurasie, c'est-à-dire avec la Russie et la Chine, voilà, de commercer librement, en bonne intelligence, avec ces pays. Parce que ça ne fait pas du tout les intérêts des États-Unis. Donc les Américains, parce que quand Biden est arrivé, c'est l'équipe démocrate, hein, qui a posé le jeu de manière très claire. Quand Biden est arrivé au pouvoir, il y a eu la question de Nord Stream 2. Et il y a eu la question de Huawei. Vous savez, ce producteur de téléphones chinois qui est un fournisseur de services pour la 5G. Et alors, les Américains ont dit aux Européens, à l'Union Européenne, formellement, hein, c'était assez intense, et ils ont dit aux Européens, voilà, vous ne devez pas commercer avec les Chinois, vous ne devez pas laisser les Chinois participer à la construction de votre réseau en Europe. Alors, les Européens continentaux, on dit, on commerce avec qui on a envie. Et les Britanniques ont dit, nous, on arrête tout de suite. Boris Johnson a un peu traîné des pieds, mais finalement, il est rentré dans le rang. Hein. Il a dit, d'accord, on coupe tout de suite, etc. Il est devenu d'ailleurs un des plus virulents sur la question par la suite. Et ça, c'était le coup de semonce, en fait. C'est-à-dire que les Américains ont... Simplement. Les Américains ont utilisé Huawei pour un peu prendre la température en Europe. Voir qui réagit comment. Bon, ils ont vu qu'ils n'avaient pas trop de succès, mais qu'ils arrivaient à avoir des concessions ici ou là. Macron a dit que, bon, ils ne pouvaient pas complètement couper avec la Chine, mais que oui, il y aurait des restrictions, blabla, voilà. Bon, ça a beaucoup blablaté, mais surtout les Américains regardaient l'attitude de l'Allemagne, et l'Allemagne était mi-figue, mi-raisin. Bon, ils se sont dit, c'est pas bon. Et il y a eu un deuxième dossier que les démocrates ont tout de suite mis sur la table, c'est l'histoire de Nord Stream 2. Tout de suite, ça a été très clair. Alors ils ont dit, c'est inacceptable, etc., parce qu'il y avait d'abord des gros juifs de Washington qui ont des parts dans les gazoducs qui passent par l'Ukraine. C'était d'ailleurs le cas du fils Biden qui lui-même était dans des trucs d'exploitation. Enfin, ils sont tous intéressés à ce que, si vous voulez, le gaz qui vient de Russie passe par l'Ukraine pour prendre leur part. Voilà, c'est un écosystème qui est cohérent. Les Allemands, comprenant le risque autour de l'Ukraine, ont construit Nord Stream 2. Leur idée étant de dire, bon, bah, les gars, nous, on a besoin du gaz russe. Donc, si jamais les choses doivent vraiment tourner à la catastrophe en Ukraine, bah, on ne souffrira pas trop, puisqu'on aura tout ce qu'il faudra en matière de gaz grâce à nos deux gazoducs, Nord Stream 1, Nord Stream 2. Et bon, Biden a dit, non, il faut le supprimer, etc. Les Allemands ont dit, non, non, on refuse de le supprimer. Et au bout d'un moment, bizarrement, Biden a dit, bon, d'accord, à ce moment-là, on ne va pas vous sanctionner. Et quelques mois plus tard, tout éclate en Ukraine. Bon, c'est-à-dire que les Américains ont pris la température, ils ont regardé qui voulait en Europe les suivre, qui ne voulait pas, ils ont constaté que les Européens continentaux, d'une manière générale, n'étaient pas partants pour une guerre économique contre la Chine et contre la Russie. Donc, les Américains passent à la méthode brute, c'est-à-dire la méthode de gangster, qui est celle de leur histoire, hein. Donc la méthode Chicago. Donc là, les gars, ils arrivent, ils balancent des armes là où il faut les, en l'occurrence en Ukraine, on monte des trucs, parce que Zelensky, là, en un mois, il nous en a fait des tas de trucs, hein. Il nous a dit, voilà, les Russes vont faire sauter Tchernobyl, ensuite c'était une autre station nucléaire qu'ils allaient faire sauter, puis ceci, puis ça, bah, bon, tout a été bon. Et qu'est-ce qu'il a dit Zelensky, qui est vraiment l'exécutant de ces co-religionnaires de Washington? Il faut absolument que l'Europe arrête d'acheter du gaz et du pétrole russe. Il est revenu constamment à la charge là-dessus, depuis un mois, il n'a pas arrêté. Lui-même qui continue par ailleurs à faire venir du gaz russe chez lui en Ukraine. Hein. Il n'a pas coupé les gazoducs, hein. Ça continue à arriver et il touche au passage. Donc, si vous voulez, chacun comprend ce qui est en train de se passer. Donc les Américains sont en train de déclencher leur grande confrontation contre la Chine prioritairement et contre la Russie. Et nous, bah les Européens, on est les dindons de la farce, parce qu'on n'a personne pour défendre nos intérêts. Tous ces gouvernements qu'on a sont des carpettes. Tout est contrôlé par Bruxelles, qui elle-même est contrôlée par les États-Unis. Donc personne ne défend nos intérêts. Et vous entendez tout ce truc sur, voilà, on va couper le gaz russe. Etc. Et au bout d'un moment, je crois qu'ils vont déclencher un truc, c'est-à-dire qu'ils vont, je sais pas, ils vont monter une fausse attaque chimique en Ukraine, ils vont dire que c'est horrible, que les enfants ont été massacrés, bon, ils vont raconter un truc, et ils vont dire aux Allemands, bah, vous avez vu, hein, avec votre histoire à vous, là, les anciens nazis, là, vous avez déjà tué 6 millions de juifs, hein, voilà. Bon, regardez ce qui se passe en Ukraine, vous pouvez pas rester sans réagir, vous avez pas acheté le gaz russe comme ça sans broncher, il va falloir couper les vannes, et vous allez voir que les Allemands vont complètement se ramollir, ils vont s'effondrer, ils vont dire oui, excusez-nous, nous sommes désolés, et ils vont, pour le coup, et j'en termine, ravager leur propre industrie en coupant le gaz russe, et ça nous donnera la situation suivante, pas de gaz russe, pas de pétrole russe, plus d'industrie européenne, c'est-à-dire que toute l'énergie qu'on aura, si on en a, ça sera à prix surfacturé, pendant que les Russes vendront de l'énergie à prix bradé à toute l'Asie, et à leurs usines. On va se faire détruire économiquement. Et les Américains, ils seront sur leur grand continent là-bas, protégés par deux océans, et ils se foutront de notre gueule. Et ils auront bien raison. Parce que finalement, ça leur a pas coûté trop cher pour foutre toute la boutique en l'air. Voilà notre situation. Alors, dans un environnement comme ça, ceux qui ont du patrimoine vont se faire complètement détruire. C'est fatal. Donc, ce qui nous ramène à la question... Comment vous protégez le patrimoine que vous devez protéger dans un environnement où le coût de la vie s'envole, où les prix de l'énergie s'envolent, où le chômage explose, où la désindustrialisation devient terminale, etc. etc. Voilà. Bon, je donne la parole à Diabolix ou à toute autre personne, bien sûr, qui veut la prendre. Je tenais à dire au niveau du groupe Huawei que, comme tu l'as très bien démontré, les Américains sont venus avec les Anglais en disant « Vous touchez pas à Huawei, c'est chinois, il y a des chipsets d'espionnage et toutes les couillonnades du genre. » Et de toute façon, nous avons le leader mondial au niveau de la 5G. Ils vont rester les maîtres des leaders mondiaux de la 5G. Ça a été dans toute l'Europe, exception un seul pays. Ce pays, c'est Monaco. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas marché à Monaco? Pourquoi est-ce que ces gens ont exigé la 5G? Parce que là, tu as tous les multimilliardaires. et que les multimilliardaires, tu vas pas leur casser les couilles, puisque en fait, c'est eux qui mènent la danse. Exactement. Donc, il y avait la question de l'immobilier. Moi, je pense, si vous voulez, il y a un véritable risque, parce que ça fait partie du Great Reset. Le Great Reset, en fait, c'est monter une jolie histoire pour expliquer que l'Occident fait faillite, et tout spécialement l'Europe. Donc, quand vous regardez l'Europe en termes de dépenses sociales, il n'y a rien d'équivalent dans le monde. C'est-à-dire, je n'ai plus exactement le volume des dépenses sociales au niveau mondial, mais je crois que c'est 80 ou 85%. Enfin, c'est absolument gigantesque. C'est-à-dire qu'on a un système social en Europe qui n'existe nulle part ailleurs, pour ainsi dire. Ça coûte de l'argent, ça. Pour le maintenir, il faut une démographie qui soit au niveau. Or, on ne l'a pas. Et la faillite est inévitable. C'est-à-dire que le défaut des États d'Europe occidentale est inévitable. Les dépenses sociales qu'on se permet aujourd'hui, la CAF, la CMU, tout ce qu'on voit, quoi, hein, toute cette gabegie, ça n'est possible que parce qu'on emprunte, d'accord ? Bon, alors on peut emprunter parce qu'on peut toujours plus ou moins présenter quelque chose à côté. On dit toujours, voilà, on a un peu d'industrie ici, on a quand même là des produits un peu dans le luxe, etc. Bon, si tout d'un coup, pour des raisons géopolitiques, le prix de l'énergie se met à s'envoler, que nos coûts de production deviennent tellement énormes que, en fait, toutes les usines soit ferment, soit partent, on va vers la faillite généralisée. Et à ce moment-là, si vous voulez, c'est la collectivisation. C'est-à-dire que les États, du jour au lendemain, disent « Ah bah, désolé, on fait défaut ». Alors, ils vont faire des défauts partiels, mais à répétition. C'est-à-dire qu'ils vont pas faire défaut à 100% le premier jour. Ils vont dire « Ah oui, on va faire un défaut marginal à 20% hein, sur la dette française, vous comprenez, etc. » Ils auront fermé toutes les portes entre-temps pour éviter que les capitaux partent, sauf les très gros malins qui, eux, auront retiré leur argent. Mais tous les petits, eux, ils seront piégés. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas retirer leur argent d'Europe, de l'euro, si vous voulez, de la monnaie européenne. On ne pourra pas retirer l'argent de l'euro. D'accord ? On ne vous laissera pas le faire, on ne vous laissera pas changer, on ne vous laissera pas sortir votre argent de la banque, on vous dira que vous ne pouvez pas acheter d'or parce que c'est interdit, machin, que vous cherchez à le blanchir, ou je ne sais. On va vous interdire par tous les moyens. Ils ne pourront le faire totalement que quand ils auront la monnaie digitalisée. Quand ils ont la monnaie digitalisée avec la blockchain, là, c'est miraculeux, parce que du jour au lendemain, tous les avoirs de tout le monde sont sur leur radar. C'est-à-dire que même une transaction à 3 centimes, ils l'ont sur leur radar. Ils ont absolument tout grâce à la blockchain. C'est le projet de Lagarde. Les projets pilotes vont sortir en 2023. 2024, normalement, la machine doit gagner en vitesse et le projet doit être complètement opérationnel pour 2025. Ça nous donne 3 ans. Vous n'avez qu'à regarder que c'est assez raccord avec ce que nous vivons actuellement au plan géopolitique. Donc, ils savent, donc les dirigeants d'Europe de l'Ouest savent qu'ils vont faire défaut sur leur dette souveraine. Ils le savent. Ils vont fermer les portes des capitaux. Ils se donnent en ce moment les outils pour pouvoir fermer les portes. Et il y a des gens qui vont perdre beaucoup d'argent. Donc, c'est le moment de se poser la question, comment je protège ce que j'ai en ma possession ? Ça peut être 20 000 euros sur un compte courant. Ce n'est pas forcément des sommes énormes. Mais pour une personne qui a 20 000, qui n'a, entre guillemets, que 20 000 euros, c'est relatif, hein, je veux dire, que 20 000 euros sur son compte courant, c'est tout l'argent qu'il a. Il n'a pas envie de les perdre. Or, ils se préparent à faire défaut sur tout ça. Ils vont dire, oui, mais rassurez-vous. Alors, ils vont trouver une belle formule. Ils vont dire, oui, mais c'est pour vous qu'on le fait. Donc, ils vont monter une jolie histoire. Ils vont dire que c'est pour lutter contre le réchauffement climatique. Ils vont dire que c'est, oui, on va monter un système qui est beaucoup mieux. Mais au final, vous allez perdre votre argent. Donc, il ne faut pas attendre que ça se produise. Alors, il y a l'argent, il y a l'or, d'une manière générale, des biens physiques, mais attention. Il ne faut pas qu'il puisse être saisi ou taxé à outrance, parce que, à mon avis, l'immobilier, ça va être taxé à outrance, à mon sens. Hein. Et puis, il y a les cryptos, mais ça dépend lesquels. Mais les cryptos ont cet avantage de passer les frontières. Et vous voyez qu'il y a certaines discussions, ça ne leur plaît pas du tout. Ça leur plaît pas du tout. Donc, mais c'est sûr que certaines cryptos, dont Monero, hein, l'avantage de Monero, ce n'est pas pour être tracé. Donc, voilà. Mais, à mon avis, de toute façon, conserver ses avoirs en Europe, en zone euro et libellés en euros, c'est extrêmement dangereux. Parce que c'est courir à la saisie pure et simple, ou à la taxation en outrance. Et voilà, donc, bon, je pense qu'on a fait un peu le tour, enfin, à grands traits, mais... Je rappelle ici une chose qui a quand même son importance, à savoir que la représentation économique de la France à l'étranger, avant s'appelait UbiFrance, puis c'est devenu Business France. Et bon, c'est relativement confidentiel, mais c'est relativement simplement vérifiable. Il y a énormément de Français appartenant à ce groupe qui viennent de claquer la porte, c'est-à-dire qu'ils ont définitivement renoncé à rentrer en France pour vivre définitivement soit en Chine, soit en Russie. C'est-à-dire qu'eux, qui sont quand même à la pointe de l'information économique au niveau de l'État français, ont parfaitement compris que l'herbe allait être beaucoup plus verte dans ces deux pays et ne tiennent absolument pas à rentrer en France. Ils ont tout liquidé, hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'appartement, ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus de fonds, ils se sont simplement barrés. Et quand l'ambassade leur a dit « mais attendez, vu le blocus qu'on organise, il faut nécessairement rentrer en France », ils leur ont offert une fin de non-recevoir la plus diplomatique possible, du style « allez vous faire foutre ». Moi, je pense que l'Europe aujourd'hui, c'est là que se trouve la catastrophe financière à relativement brève échéance. Je sais que les gens peuvent être sceptiques en se disant non, on a quand même des fondamentaux. Les gens sous-estiment la gestion catastrophique de ces 50 dernières années qui a eu lieu en Europe. Je veux dire, c'est une pile de dettes. Mais c'est pire que ça. C'est pire que ça, parce qu'en fait, le problème, c'est que l'éducation nationale nous fournit de plus en plus des ingénieurs d'une connerie lamentable. On n'a pas de matières premières, on n'a pas de carburant, on n'a pas de gaz. Enfin, le peu qui reste, c'est la mer d'Iroise et les couillonnades du genre. Le gisement du gaz de lac en France, il est mort depuis longtemps. Les écolos ne veulent pas qu'on rouvre les mines de charbon, vous savez tous pourquoi. Ils veulent nécessairement qu'on roule en voiture électrique. Ils ont complètement banni et assassiné les véhicules GPL qui sont une alternative, tout ce qu'il y a de plus simple. Et le gros truc, c'est qu'ils ont collé sur les entreprises une pression fiscale qui est de plus en plus épouvantable. Et comme il va falloir rembourser les dettes un jour ou l'autre, à un certain moment, ces entreprises vont être littéralement compressées comme des citrons. On peut étudier la chose dans tous les sens possibles ou imaginables. Les carottes sont cuites. Le principe, c'est ou vous restez sur place et vous allez crever avec les crevards, ou vous vous cassez et vous aurez peut-être une chance de vous en sortir. Oui, absolument. Mais pour moi, c'est du suicide. Les Américains sont très cyniques dans tout ça parce qu'ils savent, en fait, leur objectif, c'est de dire... En gros, c'est ça. En réalité, leur stratégie, c'est ça. C'est de dire aux Européens, bon... Vous arrêtez de commercer avec la Chine et la Russie et vous allez perdre peut-être 50% de votre richesse, voilà. Mais vous êtes, on fait ça dans les formes. Et si vous refusez, de toute façon, on vous interdira de commercer par la force avec eux. Mais on va détruire votre économie totalement. Donc en fait, on est dans une guerre économique totale contre l'Europe actuellement. Et toute la classe politique européenne qui est en train de pleurer là sur je sais pas quoi l'Ukraine, dont personne n'avait rien à foutre il y a encore 3 mois. Hein, je veux dire, faut quand même voir ça. C'est une création médiatique que les gens en aient conscience. Hein. Moi, j'invite les gens à méditer là-dessus quand même. Je veux dire, c'est dans la vie quotidienne des gens en France ou en Allemagne, tout le monde se fout de l'Ukraine. Mais c'est le prétexte à des décisions dictées par Washington qui vont, pour le coup, vraiment affecter la vie des Européens. Voilà. Donc tout ça, c'est une création médiatique qui sert à justifier des politiques qui vont contre les intérêts fondamentaux de l'Europe. Les intérêts fondamentaux de l'Europe sont très simples. Nous devons avoir des relations apaisées et amicales avec la Russie et la Chine. C'est aussi simple que ça. On n'a pas de contentieux lourd avec ces pays. Aucun. Voilà. Peut-être que les Ukrainiens en ont, ouais, quelques-uns ici ou là, voilà. Les Baltes, bon, combien de divisions? Les Finlandais, d'accord, bon. Et alors, on va laisser le continent européen s'embarquer dans une autodestruction économique parce qu'on a comme ça quelques confettis qui ont des contentieux historiques avec les Russes. C'est du délire, d'accord? Donc c'est une construction médiatique, mais qui a des conséquences très réelles. Et les gens, la vie quotidienne, ils le voient, le pire est devant nous. Voilà. Mais il n'y a personne, moi je constate ça avec un peu quand même, avec effroi. n'y a personne vraiment qui ose, parce que c'est très efficace, hein, je veux dire, la propagande en disant ah, Poutine dévore les enfants, vous savez, vous montrez ça, quoi. Hein, parce que bon, c'est une guerre, donc dans une guerre, vous faites rouler des tanks, il y a des fusillades, etc. Bon, bah, fatalement, vous allez trouver tout ce qu'il faut de cadavres, hein, il n'y a pas de problème. Hein, si vous avez envie de faire des photos, des vidéos, vous allez en faire. Hein. Donc, on fait des gros plans, on dit, on trouve, il y a des personnes déplacées, évidemment, c'est toujours des dramatiques, il y a pas de, je suis d'accord avec ça. Mais disons qu'on met la focale là-dessus, on grossit démesurément, on neutralise toute espèce de pensée critique. Les gens, surtout en Europe de l'Ouest, maintenant, ils sont tellement féminisés, ils réagissent avec des bouffées émotionnelles, ils sont paralysés, et ils acceptent de se suicider économiquement, avec des conséquences à terme désastreuses pour leurs enfants à eux, sans voir à aucun moment qu'il faut être froid, distant par rapport à tout ça. Et comme on ne maîtrise pas les médias, comme, je veux dire, les gens qui défendent les intérêts européens ne maîtrisent pas nos médias parce que ils sont tous à la botte des États-Unis, on a un son de cloche, et qu'un seul, on n'a personne pour dire « Oula, il faudrait peut-être un petit peu prendre de distance par rapport à tout ça, regarder un peu où sont nos intérêts à nous sur le long terme. » Non, non, tout ça n'existe pas. Donc là, très bientôt, je veux dire, la vie des gens en Europe de l'Ouest va être directement affectée, et tout ce qu'on a dit dans l'émission, qui a donc, c'est-à-dire en gros l'espèce de néo-RDA sous contrôle de Bruxelles, ça y est, hein, je veux dire, c'est le projet, hein, on y va droit, et ça va être difficile d'y échapper, hein, je veux dire. Et comme les gens, vous avez remarqué, parce que moi c'est ça peut-être qui me fait... Alors, parce qu'il y a l'efficacité de la propagande qui est très réelle, mais quand vous regardez ce qui s'est passé avec le Covid et avec la facilité avec laquelle les gens se sont fait vacciner, bon bah imaginez demain qu'on va leur dire ah bah vous comprenez maintenant il faut une monnaie digitale parce que quand même les risques par rapport aux cyberattaques des Russes, hein, quand même le terrorisme, bon, hein, il est temps de se préparer, il faut des... Alors, les gens, ils vont dire, ah bah oui, c'est vrai, il faut y passer, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Vous allez voir, ils vont faire des micro-trottoirs, bon, qui vont présélectionner, hein, bien sûr, mais on va montrer ça sur BFM, et vous aurez les connards qui seront là, ah bah oui, mais il faut le faire. Allons-y, quoi. Ouais, voilà. Quoi. Ouais, voilà, hein, il faut y aller, c'est comme ça, hein, voilà, ça fait partie du truc, il faut être des citoyens responsables. Ça va pas louper. Donc, si vous voulez, quand on mène le bétail aussi facilement par le bout du nez, et c'est ce à quoi on a affaire, ben, on va se retrouver comme avec le Covid, qui va revenir, hein, moi je vous rassure, ils vont nous remettre du Covid. Hein. C'est comme une musique, c'est comme un piano, il y a différentes touches, donc tu as une touche Covid, tu as une touche guerre, une touche cyberattaque, tout ça, et les gens ne vont plus arrêter de danser là-dessus. Hein. Voilà. À propos de Covid, ça risque de revenir encore beaucoup plus rapidement que vous ne le croyez, puisqu'en fait, notre cher Zelensky est en train de négocier l'achat des nouveaux drones turcs qui sont équipés d'un dispositif d'aspersion. Vu les laboratoires qu'on a trouvés, je vous laisse imaginer ce que vont faire des drones militaires équipés d'un dispositif d'aspersion sur les troupes ennemies. Oui, on risque de se taper la grippe du 1918 qui est apparue d'abord dans les tranchées. Hein. Ils vont dire, ah bah, l'hygiène déplorable des Russes. Ils vont parler comme ça. Hein. Ils vont dire, voilà, mais c'est l'hygiène des Russes. Regardez, les mecs sont dégueulasses comme pas permis. Ils ont lancé comme ça des rumeurs parce que les médias ukrainiens, et c'est pas, en fait, les médias ukrainiens ne sont pas contrôlés par les Ukrainiens. Vous allez me dire, quelle surprise. Ils sont pris en charge par des équipes de Soros, etc. Mais elle est beaucoup plus au point que... Les Russes en fait ont complètement abandonné ce domaine-là parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas pénétrer ou très difficilement l'Europe et le monde occidental. Donc les équipes de Soros ont pris en charge toute la communication gouvernementale et paragouvernementale. Et ils ont fait circuler des histoires, mais à dormir de où, mais qui ont été crues. Alors j'ai parlé de vous savez, là, les Russes ont pris une centrale nucléaire, ils vont la faire sauter, c'est des terroristes, ils sont fous, Poutine est devenu complètement dingue, vous voyez. Mais ils ont fait d'autres histoires, ils ont dit par exemple que les soldats russes qui étaient en Ukraine découvraient pour la première fois l'asphalte, c'est-à-dire le goudron. des routes goudronnées, quoi. Il disait, ouais, on a trouvé des discussions avec des soldats russes qui n'ont jamais vu d'asphalte de leur vie. Alors, bon, si c'est des soldats russes, ils ont quand même dû emprunter des routes quand même un petit peu à un moment sûr. Et ils ont dû voir de l'asphalte. Mais non, non, ils faisaient courir ce genre de truc. Si vous voulez, on peut vendre n'importe quelle guerre, n'importe quelle pandémie, n'importe quelle mesure économique, tout avec le contrôle médiatique. Les gens vont le croire. Et l'opposition qui existait, qui s'était formée organiquement ces 15, à partir des années 2000, sur les réseaux sociaux, timidement au départ sur les réseaux sociaux, parce que ça a apparu vers la fin des années 2000, mais tout a été détruit. Parce que tous les comptes ont sauté, etc. Je veux dire, sur Twitter, sur YouTube, etc. Toutes les chaînes sont éliminées très activement. Donc, en fait, les gens, maintenant, généralement, ils sont vraiment exposés principalement au discours dominant. Il y a presque plus de voix discordantes. Donc, c'est très dangereux, parce que quand vous connaissez les intentions de la classe dirigeante occidentale, de savoir qu'il n'y a plus pratiquement de contre-discours ou de discours critiques, bah ça veut dire que l'immense majorité des gens, ils vont foncer dedans. Alors, le courrier des lecteurs, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, mais c'est très bien. Le courrier des lecteurs partait sur la question de l'immobilier, etc., de fuir les grandes villes. Ça, c'est clair qu'il faut... Enfin, faut pas rester dans les grandes villes. Le rationnement pointe son nez. Alors, s'endetter pour acheter un logement... Moi, je le recommande pas, je veux dire, dans l'immédiat, moi, je pense qu'une location suffit, mais il faut absolument pas rester dans les grandes agglomérations, parce que on va sur des rationnements, sur l'alimentation, sur l'énergie. Quand vous regardez la composition raciale des villes françaises, qu'est-ce qui va se passer d'après vous quand ces gens-là ne pourront plus aller au KFC, au cinéma, acheter leur Nike, avec la même aisance qu'actuellement, tout ça sur l'endettement français? Qu'est-ce qui va se passer, d'après vous, dans la tête de ces millions de Noirs et d'Arabes? Qu'est-ce qui va se passer, d'après vous? Est-ce que vous avez envie d'être à proximité de ces populations? Rappelez-vous, quand Sony avait mis en place le jeu en ligne sur Internet, le PlayStation Network, donc ça remonte à quelques années quand même, hein. Et donc, il avait annoncé en Europe, et puis finalement, il y a eu des couacs, il y a eu plusieurs semaines de retard. Il y a eu des violences en région parisienne, parce que les bougnous, ils n'avaient pas accès à leurs jeux vidéo en ligne, tu vois. Donc, si demain, il n'y a plus rien à bouffer, ça va être compliqué. Voilà, donc je pense qu'il faut y insister, ouais. En matière de survivalisme, je tiens quand même à rappeler une chose qui a son importance, parce que tout le monde vous dit qu'il faut nécessairement vous équiper de poules et de coqs. Alors oui, je suis tout à fait d'accord, il faut s'équiper de poules et de coqs. Si vous êtes à la campagne et que vous avez le terrain suffisant pour pouvoir produire la nourriture pour ceux-ci. Parce que je vous rappelle qu'une poule, c'est 300 grammes de blé par jour. Il y a 365 jours, un quart l'année. Si vous avez une vingtaine de poules, faites le calcul de ce que vous allez devoir entreposer comme céréales à la maison. Bah, on peut aussi laisser courir un peu les poules dans le champ, hein, pour peu que le champ soit gardé, on est d'accord. Tout à fait, mais ça ne changera rien concernant la quantité de grains qu'elles vont bouffer. Elles vont bouffer des insectes, ça les rendra probablement un peu moins grasses, mais l'équation, c'est 300 grammes de blé par jour. Ça, c'est le truc pour que tes poules se sentent bien. Donc, il faut bien comprendre une chose. Les gens, ils voient des poules, ils se disent « oui, c'est merveilleux, les poules, ça fait de la fiente, ça te permet d'avoir de l'engrais pour ta serre et pour ton terrain, je suis tout à fait d'accord, c'est bien, mais il faut les nourrir. Et pour les nourrir, il faut stocker ton blé qui doit être stocké à l'air. Et si tu le stockes à l'air, n'oublie pas que les rats et les souris adorent ce genre de céréales, ce qui nécessite d'avoir des infrastructures particulièrement bien étudiées. » Ceci dit, bon, les gens, je conseille réellement aux gens d'avoir leur œuf tous les matins, c'est particulièrement sympathique au petit-déj. Mais tenez compte de la logistique que vous allez avoir derrière. Toutes ces questions-là qui ont été souvent abordées par effectivement un certain nombre de personnes qui n'étaient pas prises au sérieux, hein, mais c'est tout à fait juste. Alors, on poursuit avec les donateurs quand même. Don numéro 3, bonjour à toute l'équipe de DP, je vous ai fait un don de 0,25 Monero dimanche dernier, donc ça c'était le 20 mars, pouvez-vous me confirmer la réception du don? Ce sera fait bien sûr. Cela fait maintenant 3 ans que je vous suis avec grand intérêt, je tenais à vous remercier pour votre travail, je me suis mis récemment à Monero, c'est mon premier don, j'essaierai d'en faire plus régulièrement, tout mon soutien, c'est Kyle et c'est signé Hansi. Merci Hansi, donc on confirmera, c'est bien que vous vous soyez mis à Monero ou que tu te sois mis à Monero. Je sais que je sais pas si je suis pris pour un illuminé quand je dis ça, mais moi je conseille à tous les magasins de proximité qui ont des publics assez jeunes, parce qu'on va, évidemment, bon, je dis pas que, parce qu'on peut le prendre en main même à 70 ans, Monero, c'est pas le problème. Mais bon, il y a toujours une espèce de blocage psychologique. Mais si dans des commerces de proximité, vous avez des gens de moins de 30 ans, pour X raison, peu importe, quoi, des clients de moins de 30 ans, proposez-leur spontanément de régler par Monero, parce que c'est l'avenir, quoi. Parce qu'on va arriver à des situations de troc, je vous le dis. Or, on n'est peut-être pas obligé totalement de passer au troc, cigarettes, etc. Il y a des moyens numériques de faire, entre guillemets, du troc, c'est-à-dire d'avoir une monnaie, et voilà, en tout cas, pour le moment. Donc, familiarisez-vous avec ça. Il y a d'autres solutions qui se mettent en place, d'ailleurs. Il y a un exchange, je crois, quand le forum sera de retour avec la section crypto, je pense qu'il y aura beaucoup d'updates qui sera fait là-dessus, mais il y a un exchange qui va fonctionner sur Tor avec Monero, qui va permettre d'acheter des Monero de manière totalement anonyme. Tout ça se met en place, toutes ces solutions se mettent en place, et plus le risque géopolitique progresse, plus ces options se développent. Donc, à suivre. Don numéro 4. Salut l'équipe, voici mon don pour le mois de mars. Pardon. Bonne continuation, c'est Melas Autocator, qu'on connaît évidemment depuis longtemps, qui nous soutient depuis longtemps. Merci Melas de nous soutenir avec constance. Don numéro 5, bonjour à l'équipe de DP. C'est un Celto sans pur qui voulait vérification de ses dons, le dernier étant du 27 mars. Je confirme, cher Celto sans pur, cela a été vérifié, les dons sont passés. Merci encore, camarade. Don numéro 6. Alors là, il y a un petit message, donc... Salutations nationalistes à toute l'équipe de Dempart. Je vous envoie ce mail vous témoignant du don de 0,82 Monero que je viens de transférer à votre adresse. J'espère que le montant transféré est bien arrivé à destination. Donc ça sera vérifié. Je tâcherai d'économiser plus d'argent, de mettre plus d'argent de côté les prochaines semaines et mois à venir afin d'acheter des sommes de Monero plus importantes pour effectuer des dons plus réguliers en signe de soutien financier. Autre chose également, j'ai pris soin d'enregistrer sur mon portefeuille Monero, enfin My Monero, d'autres adresses donc de portefeuille Monero appartenant à des figures, groupes et organisations dissidentes telles que le blog sans concession de Vincent Renoir, le mouvement de résistance nordique, donc là on est en Suède, mais dans la zone scandinave de toute façon, parce qu'ils ont aussi des chapitres dans d'autres pays scandinaves, afin de ne pas oublier à leur faire eux aussi des dons en Monero. Je vous envoie tous mes encouragements et je vous souhaite encore une fois de très bonnes, beaucoup de chance, détermination, persévérance dans le but de poursuivre la réalisation de notre futur foyer blanc. Si Kyle Cameradon, et c'est signé Atlantis 27. Merci Atlantis 27. Soutien donc de DP et d'autres causes, hein, bien sûr, identitaires nationalistes en Europe. Merci à lui. Alors, rubrique numéro 1, messieurs. On va être encore autour de l'Ukraine. Bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est l'actualité. Ce cours des lecteurs m'a particulièrement plu parce qu'il est en prise directe avec ce qui se passe. Et vous allez découvrir ça avec moi et je pense que ça ne va pas manquer de vous faire réagir. C'est signé un dissident infiltré, et vous allez comprendre pourquoi. Bonjour à toute l'équipe de DP. Étant russophone et ayant une bonne connaissance de l'Ukraine, je voudrais vous faire part de mon expérience en tant que traducteur bénévole pour la Croix-Rouge. J'ai eu l'occasion de travailler à l'accueil des réfugiés en gare et dans des centres d'hébergement provisoires. Comme vous l'avez dit auparavant, je confirme que la plupart des Ukrainiens ne sont que des Ukrainiens de papier. J'évalue, je pense qu'il se situe en France quand il s'exprime, il n'est pas en Pologne, ou d'accord, hein. Je pense qu'il est en France à l'accueil des réfugiés ukrainiens qui viennent de l'Est. Hein. C'est ce que je comprends du message. J'évalue à 40% les Ukrainiens slaves proprement dit et à 40% les Arméniens. Le restant, des étudiants maghrébins et des nègres avec leur pute à bougnoule ukrainienne ou leur pute à black ukrainienne, bon ça c'est interchangeable, à environ 20%. Je discutais avec une jolie ukrainienne qui me disait que son mari parlait français. Intrigué par ce cas inhabituel, j'ai eu la réponse à ma question lorsque 2 minutes plus tard, un maghrébin apparut, se présentant comme algérien francophone. Il cherchait à se réfugier en France en attendant de revenir en Ukraine. Ouais, le temps que les Ukrainiens meurent pour leur patrie, j'imagine. Au risque de décevoir les auditeurs, le matérialisme des Ukrainiennes blanches n'a d'égal que leur matérialisme. Premier exemple, une Ukrainienne à qui j'avais donné des lentilles a décrété que c'était de la nourriture pour chiens immangeable. Moi, j'adore ça, les lentilles, en plus. Un peu déçu, là, de cette réaction. Plus tard dans la soirée, j'ai eu affaire à une femme quadragénaire qui m'a réclamé un après-shampoing. Le lendemain, une jeune fille de 18 ans m'a fait part de son désir d'avoir un appartement pour elle toute seule. Il n'était pas question de partager le lieu d'habitation, bien évidemment. Et enfin, j'ai eu aussi affaire à une quadragénaire désirant un billet pour Berlin afin de travailler comme pâtissière dans une pâtisserie végan. Chose introuvable en France, dixit. Donc leur matérialisme se trouve débridé par l'absence des hommes combattants sur le front. Voilà. Tous ces réfugiés vont disposer par ailleurs d'un appartement privatif, par famille, d'une allocation et de la gratuité de transport, le tout payé par le contribuable européen, en l'occurrence ici français surtout. Hein. Je voulais vous éclairer sur la véritable nature de ces réfugiés cordialement et il nous dit aussi bonne chance à vous. Et donc c'est le fameux dissident infiltré. Alors merci dissident infiltré, je suis très content d'avoir un témoignage de l'intérieur chez les personnes qui reçoivent ces réfugiés. J'allais dire d'un nouveau genre, hein. On était habitué à des réfugiés pas tout à fait identiques. Non, on avait perdu l'habitude d'avoir des vrais réfugiés, vous savez, des gens qui fuient la guerre, des femmes qui fuient la guerre, des femmes et des enfants qui fuient la guerre. On avait perdu l'habitude, on était habitué aux réfugiés. Réfugiés, quoi, c'est-à-dire des. Donc en gros, des. C'est des Syriens du Cameroun, quoi. Voilà, des mâles négroïdes de 25 ans, dans la force de l'âge, vous voyez, repus et gras, qui arrivent avec des snipes, comment dirais-je, des Nike et des smartphones. Alors, je veux recueillir vos réactions par rapport à ce témoignage. C'est de la sociologie, en fait, hein. C'est-à-dire, c'est quoi les profils de gens qui arrivent? Alors, il y a beaucoup de femmes, hein, nous dit-on. Mais aussi beaucoup de... Donc il nous dit hein, 40% d'Ukrainiens, 40% d'Arméniens, 20% de toutes les races de la Terre déguisées en Ukrainiens. Voilà, en gros c'est ça. Je vais réagir, mais je me permettrai aussi de donner une réaction de l'autre côté de la frontière. En ce qui concerne la totalité des bougnoules qui veulent rentrer en France pour fuir la guerre en Ukraine... il y a eu une vidéo qui est passée de nègres qui suivaient les cours dans les universités ukrainiennes et qui s'adressaient à leur ambassade en disant gentiment bah, « Écoutez, venez nous chercher, faites quelque chose. » Et qu'ont fait leurs ambassades? Elles leur ont gentiment dit « Allez vous faire foutre. » Parce que d'abord, ils n'ont pas le pognon. Et en plus, il faut bien se rendre compte que ça ne les intéresse absolument pas, puisque tout qui est dans une université en Ukraine, à Moscou ou ailleurs, c'est les fils à papa et les nantis de l'Afrique. Ce n'est pas l'Africain de base. Donc, ça, c'est le premier problème. Maintenant, venons au problème de la femme ukrainienne de l'intérieur, si je puis me permettre. Je vais vous expliquer la chose suivante. Ce qui se passe à la frontière de la Pologne, de la Moldavie, de la Roumanie, à l'heure actuelle, c'est ceci. Vous avez des nanas qui se barrent. Soit elles sont célibataires, soit elles sont mariées, elles ont des gosses, elles en ont pas, peu importe. Quand elles arrivent à la frontière, elles subissent une fouille approximative. La seule chose que les douaniers ont pour mission de vérifier, c'est qu'il n'y a pas de flingue, qu'il n'y ait pas de grenade, qu'il n'y ait pas d'armement en général. Ces nanas-là, et je le dis très franchement, et c'est mesuré, pour une grande partie d'entre elles, elles ont un plan qui est tout à fait clair, net, précis et carré. Elle rentre en Europe avec un paquet de fric. je dis bien un paquet de pognon. Elles ont pour mission de s'installer en Europe, d'acheter des appartements ou des maisons, de signer des contrats d'emploi dans des entreprises particulièrement ciblées, dans le luxe, dans des technologies de pointe. Le but étant, c'est le rapatriement de la famille quand ils auront perdu la guerre. Parce que soyons clairs, ils vont la perdre. À l'heure actuelle, si je me rends en France avec 10 001 euros et que j'ai un contrôle de douane, on me saisit mon pognon. Si je rentre en France avec des valoches de billets de banque et que je suis ukrainienne, si je les dépose sur un compte en banque, on ne viendra même pas s'inquiéter de la nature et de la provenance de mon pognon. Je suis une pauvre ukrainienne martyrisée par les Russes. Déposez votre argent, madame, on a compris votre malheur. Ces nanas ont des listes de chefs d'entreprise, de chairman of the board, de directeurs de société avec qui elles doivent entrer en relation et, moyennant des plans cul, moyennant de avoiner du pognon, devenir membre des conseils d'administration de ces boîtes. À l'heure actuelle, ça se passe partout en Europe. Je dis bien partout en Europe. C'est totalement ciblé. Oui, ouais, on a bien compris. Bah oui, j'ai vu des cas comme ça, hein, qui étaient rapportés par des douanes européennes limitrophes. J'ai vu, je crois que c'était en Slovaquie, c'est pas la Slovaquie, c'est la Hongrie, une nana qui s'est fait serrer avec des valises pleines de billets pour 20 millions d'euros. 28 millions de dollars et 1 300 000 euros. Voilà, bon, je ne sais pas si vous imaginez, qui était la nana d'une huile ukrainienne, bon voilà, alors... D'un sénateur ukrainien, et en fait, la gonzesse a commis une connerie, parce que son mari ne voulait pas qu'elle passe par la Hongrie, il savait très bien qu'elle allait se faire griller, puisque la Hongrie est la seule douane qui applique à la règle les normes Frontex, la seule. Oui, c'est ça, voilà. Bon, après, on va voir comment ça se goupille, mais voilà. Mais oui, c'est ça, on a un flot comme ça complètement sidérant de femmes ukrainiennes. Alors, certaines sont effectivement, hein, bon, voilà, c'est des femmes du peuple qui passent la frontière parce que elles ont, là où elles habitent, ça a été plus ou moins touché par les combats. Mais il y a aussi un effet d'aubaine absolument énorme, et ça, on ne le dit pas du tout. Ça n'est pas du tout présenté comme ça dans les médias. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que pour beaucoup de ces femmes ukrainiennes, quel est le rêve ? Et c'est vrai en Russie aussi d'ailleurs. Quel est le rêve ? C'est d'aller à l'Ouest, trouver un homme riche et s'installer. C'est pas de rester tourné en rond dans son champ de patates ukrainien. D'accord ? Ça c'est, je sais pas qui se met ça dans la tête, mais c'est faux. Le rêve de toutes ces nanas-là, c'est de se trouver, ben c'est le, j'allais dire, le rêve américain, on va dire, bon, le rêve occidental, si vous voulez. Et il y avait des régimes de visa qui existaient avec l'Ukraine, c'est-à-dire que quand on venait d'Ukraine, on ne pouvait pas venir comme ça en Europe, comme on voulait, rester, etc. Et tout d'un coup, ben là, tout s'ouvre. Il n'y a plus de frontières, ça n'existe plus, il n'y a plus de régime de visa, en tout cas, plus avec les pays limitrophes comme la Pologne, etc., qui ouvrent grand ses bras. Mais une fois qu'on est régularisé en Pologne, vous savez, par l'effet domino de Schengen, etc., bon. On dit oui, bah voilà, j'ai été là, bon, et puis là, comme il y a l'effet médiatique, il n'y a plus aucune espèce de douane européenne qui ose dire, mais au fait, vous venez d'où, vous voulez quoi ? Donc, non, je viens d'Ukraine, ah bon, bah oui, d'accord, là, on s'était. Et ça marche tellement bien. Bon, en France, ils ne demandaient vraiment pas à se faire convaincre, ils étaient déjà convaincus, mais qu'on a des nègres qui arrivent en disant, oh là, moi, je dis ukrainien, là. Et bon, comme je dis, ils demandaient pas à se faire convaincre, ils étaient convaincus d'avance. Donc les Français disaient oui, d'accord, formidable, tant mieux. Mais voilà, donc. Mais en France, c'est tu, alors, du, je voulais réagir sur un point que tu as dit, mon cher Diabolique, c'est-à-dire à un moment donné, les étudiants africains ont téléphoné à leur ambassade et on leur a dit gentiment d'aller se faire foutre. Alors à mon avis, oui. Mais à mon avis, on leur a dit aussi. Venez en France. Mais allez en France, allez en France. Mais oui, mais je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'on leur a dit, mais les gars, si vous savez pas où aller, allez en France. Et ça s'est passé, quoi. ça s'est passé. C'est-à-dire que les mecs ont dit, le train, direction le train, et on va vers la France, peut-être un peu moins la Belgique, mais direction la France. Et donc, tu as notre auditeur qui est là. Alors lui, donc, il est russophone, donc je pense que c'est quelqu'un qui est russophile en général. Enfin, je ne parle pas au plan politique, je veux dire, d'aimer le gouvernement de tel ou tel pays. Mais, genre, il aime la culture des pays slaves qui parlent le russe. Et il a dû se dire, bon, bah, je vais aider des réfugiés qui viennent d'Ukraine, quoi, voilà, sans considération politique. Je vais tendre la main. D'un coup, tu sais, t'as les machins qui arrivent d'au-delà du Caucase, donc des Arméniens, des meufs, t'as toutes ces masses qui n'attendaient qu'une faille pour passer à travers. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Et moi, je ne serais pas étonné qu'on voit des gens du Kazakhstan débarquer. Des gens d'Azerbaïdjan, enfin de partout, quoi, voilà, pour un peu que ça baragouine russe. Les mecs disent, ouais, mais moi, Ukraine, depuis 10 ans, venir. Voilà, et, le mec, il baratine un truc, réfugié ukrainien, Poutine veut m'assassiner, je suis un militant politique. comme la France et tout le reste, c'est une passoire, ils vont dire, bon, bah, amen. Voilà, donc en gros, on va récupérer quoi? On va récupérer des nègres et des Congolais qui étaient plus ou moins, avaient été importés par Zelensky. Des clandos qui étaient en train de zoner parce qu'ils n'arrivaient pas à passer par la Turquie, passer par l'Espagne, qu'ils ont essayé de passer par l'Europe de l'Est. On va récupérer l'Asie centrale. Et puis on va quand même réussir à récolter des Afghans, parce que les talibans, ils nous perdent pas de vue non plus, les talibans, après les avoir fait chier pendant 20 ans, ils vont nous envoyer leurs opposants politiques. Voilà. Donc, moi je sais pas, mais en 6 mois, on est passé de « il faut accueillir tous les Afghans », à maintenant « il faut accueillir tous les Ukrainiens », Ukrainiens entre guillemets. Moi j'ai rien contre les Ukrainiens, entre nous soit dit, mais je veux dire, bon, ils sont pas tous très Ukrainiens finalement. Donc, et à chaque fois c'est de l'arnaque, donc voilà, on a compris quoi. Mais c'est tellement facile quoi. Franchement, quand on fait l'addition, c'est très dur pour en fait, une certaine catégorie de personnes en France. Hein, c'est pour les Français, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es Français, que tu travailles, que tu déclares tes impôts, tu payes tes assurances, tu fais tout comme dans les règles, d'accord? Tu respectes absolument toutes les lois. Tu es ce qu'on appelle un honnête homme, un honnête citoyen. Mais t'es le mec à plaindre absolument, parce que c'est toi qu'on va assassiner. Parce que tous les autres, c'est le tourniquet, quoi. Et donc, ça vient d'Afghanistan. Moi, j'ai joué traducteur, j'ai aidé l'armée française, j'ai aidé l'armée française. Alors, on a récolté comme ça, je sais pas, 10 000 traducteurs de l'armée française, je veux dire, à tous les coups. On s'est rendu compte qu'on avait un stock de traducteurs. Non, mais c'est sidérant. Moi, j'aimerais bien avoir des militaires, discuter avec des militaires français qui ont été en Afghanistan. Les mecs vont nous dire, ouais, à tout casser, on a dû en avoir vraiment à plein temps, peut-être 50, quoi. Et voilà, et tout d'un coup, t'as 10 000 traducteurs, ou 15 000, ou 20 000. Et puis ensuite, t'as la famille élargie, alors tu comprends. Et puis, ils sont tous poètes, écrivains, militants des droits de l'homme, féministes. faut tous les faire venir, sinon tu comprends, oh là là, notre morale et tout. Puis ça se termine que tu peux pas sortir dans ta rue, parce que sinon, t'as des dealers qui te regardent de travers et qui te traitent de fils de pute ou d'infidèle, quoi, voilà. Et là, maintenant, des Ukrainiens, donc avec des gueules de nègres, machin. Mais il y avait quand même aussi des Ukrainiennes avec donc leur Mohamed, leur Mamadou, leur truc. Ouais. Donc là, j'ai découvert aussi des vertus de la démocratie en Ukraine. Bon. Parce que entendons-nous bien, hein, je veux dire, si jamais il y a de vraies Ukrainiennes, vraies, hein, d'accord, pas des trucs... qui sont jeunes et qui cherchent effectivement à s'installer pour vivre le fameux rêve américain dans les États-Unis d'Europe, pourquoi pas, hein, je veux dire, oui, il faut en apporter des millions, quoi. Il y a pas de souci avec ça, quoi. Si c'est pour trouver des gens, fonder des familles, etc., et que ça fasse des familles blanches, il y a pas de souci, quoi. On constate juste que dans les faits, bon, faut un peu tempérer tout ça, quoi. Enfin, tout ça, cette histoire me donne pas envie de revaloriser plus particulièrement l'opinion générale que je me faisais des femmes, en tout cas en général. Oui, alors ça, c'est l'autre truc. Les après-shampoings. Des temps de guerre. Mais il n'y a rien. Ouais. Mais je veux dire, il faut vraiment le dernier des cons pour pas s'imaginer un instant que ces femmes-là sont des vampires, quoi. Je veux dire. Alors, elles sont peut-être très jolies, comme vampires. Vous voyez, c'est des vampires quand même, je veux dire. Hein. C'est des femmes, quoi. Enfin, il dit... Enfin, c'est clair. Moi, je le sais, parce que comment dirais-je, j'ai discuté avec, j'avais des connaissances et donc je connais l'attitude des femmes slaves. Le problème, c'est pas qu'elles soient jolies. On discute pas de la beauté des femmes. C'est pas le problème. C'est évidemment qu'elles sont matérialistes. C'est-à-dire que nous, on est matérialistes de base parce que on vit un peu dans l'opulence. Mais elles sont encore plus matérialistes, donc déjà parce que ce sont des femmes, faut insister là-dessus. Elles sont dans le besoin. Et, aussi... et voilà, exactement, parce qu'en fait, elles ont l'opulence à quelques kilomètres, à portée de main, quoi, presque. Et du coup, ça donne de la frustration. Et donc, elles arrivent comme ça, elles se disent « Ah, j'arrive à Paris, Nantes, Bordeaux, je ne sais pas où. Ça y est, je veux enfin pouvoir vivre mon rêve. » À vivre rêve, oui. Mais exactement. Mais moi, je vous assure que... Mais je vous l'ai, c'est vrai en Russie, c'est pas spécifique à l'Ukraine. En Russie, vous avez toutes les femmes, parce que les régimes de visa sont durs, d'accord. C'est difficile de quitter leur pays. Avant la guerre, hein. Alors maintenant, j'en parle même pas. Elles sont. Alors peut-être, je vais peut-être faire fantasmer un petit peu là nos auditeurs. Là. Il y a beaucoup de femmes russes qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être libérées. des régimes de visa, en fait. Bon, si vous allez dans leur pays, vous n'allez pas les faire rêver. Voilà. Mais il y avait beaucoup de femmes comme ça de Russie qui voulaient en fait faire ce que font toutes les femmes, c'est-à-dire en fait faire jouer l'hypergamie à bloc. Point barre. Moi, je suis pas du tout surpris par ce témoignage, quoi. Voilà. Alors, il y a la dimension raciale avec tous les faux réfugiés, les races de merde qu'a fait venir Zelensky dans l'Ukraine juive, etc. Mais je veux dire, les femmes slaves matérialistes, je suis pas du tout surpris, quoi. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Et voilà. Donc. C'est-à-dire que pour les plus jeunes, avant cette histoire de conflit, pour les plus jeunes, les Ukrainiennes qui venaient en France. Elles se trouvaient un pigeon, elles restaient quelques années, on va dire 5 ans, parce qu'au bout de 5 ans, sur la présence sur le territoire national, tu peux commencer à entamer des démarches pour accéder à la nationalité française. Et puis après, il est possible que le pigeon soit échangé, quoi. Et pour les moins jeunes, c'était le même délire, sauf que des fois, c'était un pigeon, on va dire, définitif. C'est possible, ça se passe comme ça. Mais c'est pas ce qui peut arranger les affaires de la race blanche. Il faut être aussi un peu pragmatique aussi. Hein. J'ai pas envie d'être cynique pour le bienfait d'être cynique, mais il peut aussi avoir des avantages. Ah bah, de toute façon, c'est pas comme si les Françaises n'étaient pas matérialistes elles-mêmes. Je veux dire, de ce côté-là, je veux dire, bon, voilà, hein, je veux dire, l'objet féminin reste inchangé. Hein, mais moi, j'avais connu des gars qui s'étaient spécialisés là-dedans, d'ailleurs. Hein, c'était de faire venir des femmes ukrainiennes dans ma région d'appartenance. Mais je vous parle de ça il y a 25 ans en arrière. C'était après la chute du système communiste, en fait. Et il y a comme ça quelques gars qui ont... ça, c'était un peu l'âge d'or. Hein. C'était l'âge d'or des femmes de l'Est, etc. Mais c'est, je vous dis, c'est il y a 25 ans. Hein. C'est pas aujourd'hui. Parce que même les nanas qui viennent d'Ukraine ou quoi, faut pas s'imaginer, elles ont des standards qui sont ultra élevés, quoi. En termes d'exigence. Donc c'est pas parce que vous êtes un mec juste banal d'Europe de l'Ouest que vous allez les faire rêver. Hein. Je veux dire, là vous fourrez le doigt dans l'œil. Je vous dis tout de suite. Hein. Je veux dire, il faut être un docteur ou je ne sais quoi. Hein. C'est-à-dire que faut avoir un max de blé. Et à l'époque, si vous voulez, là, parce que c'était vraiment la catastrophe dans les anciens pays communistes. Donc on va dire dans les années 95-96. Donc là oui, à ce moment-là, les filles de Russie ou d'Europe ou d'Ukraine, je veux dire. Là, elles étaient prêtes à tout pour se tirer, quoi. Je veux dire, là, elles acceptaient, celui de tomber sur un mec qui n'était pas franchement riche à agir, ok. Ou plus, enfin, je sais pas quels sont les beaux gosses aujourd'hui, parce que je trouve qu'il n'y en a pas vraiment, mais vous m'avez compris. Mais ça, c'était il y a 25 ans. Maintenant, elles arrivent, les poules, elles veulent des beaux mecs. Elles peuvent venir d'une ferme perdue au fond de l'Ukraine. Elles veulent être manucurées, elles veulent avoir toute la garde-robe, elles veulent de la Mercedes. Il faut aligner, hein, je veux dire, faut pas s'imaginer que vous allez les avoir pour un paquet de chips. Hein. Ça c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai, quoi. Donc en fait, je crois pas que ça change fondamentalement l'équation, si vous voulez. Il faudrait vraiment de tels volumes de femmes ukrainiennes sur le marché sexuel en France que on n'approchera jamais de la. En revanche, en Pologne, d'après ce que je comprends, vu les masses, pour le coup, le marché sexuel en Pologne a complètement changé, quoi. Il est complètement bouleversé là. Pour le coup, ça c'est vrai. Ouais. En Pologne, c'est vrai. En France, non, quoi. Pas à ce stade. Pas à ce stade. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose là-dessus sur plus généralement, même, hein, je veux dire, on peut élargir la discussion, hein, mais je veux dire. Ça rage beaucoup en ce moment, on va en parler sur les réactions par rapport à l'accueil justement des Ukrainiens là. Bon, il y a eu 3 semaines là d'un petit peu extatique, mais vous allez voir que on revient très vite aux fondamentaux. Mais vous avez rien en particulier à ajouter? Rien de spécial? De mon point de vue, j'ai encore une fois l'impression que la France n'attendait que cette guerre pour stocker toujours plus de nègres, en fait, tout simplement. Des nègres qui viennent d'Ukraine pour déloger des nègres français. Bon. au moins, ils sont assimilés. Ils franchissent la frontière, mais ils sont déjà assimilés, ils sont déjà ultra français, quoi. Ils sont pas arrivés, ils sont déjà français. Ils sont Молчаливой грозной тучей вдоль идут сибиряки. Молчаливой грозной тучей вдоль идут сибиряки. И сурово воспитала молчаливая тайна. Море грозные messieurs, rubrique numéro 2, et c'est autisme radical, mais en fait, c'est au contraire très en phase avec notre réalité. Est-ce que c'est vraiment de l'autisme ou pas? Je ne sais pas, à vous de juger. Ce sont les Français qui sont tout simplement exaspérés par l'attitude des réfugiés ukrainiens. Alors, vous allez me dire, on vient d'en parler là, avec Diabolix, avec Pierrot, avec Merlin, et on a déjà nous-mêmes un regard critique hein, sur l'accueil de ces réfugiés. Mais vous allez voir, enfin en même temps nous on est des marginaux, pas représentatifs, alors que les Français, eux, dans leur vraiment leur représentativité, eux sont excédés par ces migrants blancs Là, j'ai un tweet qui a mais massivement tourné hein, sur les réseaux sociaux. Là, on parle de milliers et de milliers de retweets. Donc, c'est une discussion qui a impliqué des centaines de milliers de personnes. soit qui ont vu le tweet, soit qui ont réagi, qui ont retweeté, etc., ou qui ont liké. Ça a contribué à la discussion publique autour de la question des réfugiés ukrainiens. Alors, c'est Saïf qui nous dit un petit peu ce qui se passe sur le terrain. Alors, Saïf est un travailleur social. Je suis pas sûr que les deux mots fonctionnent ensemble, par contre. C'est la France, Gandalf. Si on ouais, a des concepts, nous. Hein. C'est vrai, je reconnais. Paul, mais on a des Saïfs. Non, mais ça aussi, ouais, voilà. Donc, en fait, on paye. Alors, traditionnellement, un travailleur social, tu payes un bougnoul à s'occuper de sa famille, en fait, avec l'argent des Blancs. Donc, voilà, donc c'était un peu. Voilà. Mais là, en fait, bizarrement, il y a des trous dans l'arrosoir et il y a des gouttes qui tombent sur quelques Blancs. Ce qui est quand même scandaleux, je veux dire, quand on y réfléchit. Je veux dire. C'est quand même les réparations de l'esclavage de la colonisation, donc normalement les Blancs sont pas censés manger le gâteau social en France, on est bien d'accord. En tout cas, moi c'est ce que j'avais compris, j'ai quand même été à l'école de François Mitterrand, donc je croyais maîtriser mes classiques, et puis comme moi, Saïf est scandalisé. Alors voici ce qu'il nous dit, Saïf, il nous dit « Désolé de dire ça, mais il fallait que je le dise. » Bon, je le fais sans accent, hein. J'ai accompagné des familles venant d'Ukraine. Leur discours est vraiment très haineux envers la population française. En Ukraine, donc là, il cite en fait les propos qu'il entend chez les réfugiés ukrainiens. En Ukraine, il n'y a pas autant de Noirs et d'étrangers. Voilà le discours du groupe. Il poursuit. Je ne généralise pas, mais pour avoir accompagné des migrants provenant de toutes les zones en guerre ou à risque, c'est la première fois que je suis confronté à ce type de propos. J'ai même eu le droit à « Mais vous n'êtes pas français, vous ! Vous nous aidez pourquoi ?» Donc, les Ukrainiens disent à Saïf « Mais t'es pas français, toi, pourquoi tu t'occupes de nous ?» Bon, ça c'est Svetlana, quoi. Svetlana et Pavel, ils sont choqués. Hein, ils disent oh, « Bon. Alors là, il y a des réactions qui s'en suivent. Il y a Fatima Megzel, donc une Française, quoi, qui réagit. C'est désolant. Réponse de Saïf, c'est triste de se dire qu'eux-mêmes sont pris en charge par la France, mais la première chose qui les marque, c'est la différence. Alors la différence, sous-entendu différence ethno-culturelle, etc. Voilà. Donc il dit, c'est quand même incroyable, quoi. Alors, la France leur ouvre les bras, et eux, la seule chose qu'ils retiennent, c'est qu'il y ait des Noirs et des Arabes. Hein, c'est quand même bizarre comme réflexe. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre comme réflexe? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est bizarre comme... Moi, je vous pose la question. Le grand remplacement est une idée d'extrême droite. Alors, je tiens à vous rassurer, l'opinion française commence à changer, d'accord, face à l'immigration, tout spécialement depuis que depuis que les Blancs nous envahissent. Alors, voici Dime Enko, qui écrit ceci, hein, donc il a sa photo de profil, alors il est très foncé avec une grosse barbe. Je pourrais pas trop dire, mais j'ai l'impression que c'est un Turc ou un Algérien, et enfin non, un Français. C'est un Français. Voilà, c'est autant pour moi. C'est des réflexes d'extrême droite que j'ai. Voilà, je me déconstruis aussi, mais ça prend du temps. Alors ne me jetez pas la pierre, d'accord. Donc alors, si ça leur plaît pas, dit May, ils peuvent toujours aller voir ailleurs. Hein. Après tout, on n'est pas obligé de les accueillir. Alors, merde. En plus, ils sont chrétiens. Alors, Saïf rebondit, c'était son premier rôle, autant pour moi. Et il y a une réaction, alors là, c'est chez le Rosé. Alors, c'est pas le Pinard, hein, Rosé, E-Y, je sais pas trop ce que ça veut dire, voilà. Mais alors, en avatar, il a une photo de noir à cigare avec des lunettes. Donc, je présume qu'il est de toute façon négromorphe. Alors, il dit ceci, « Chaque fois que je vais en croiser, j'apprendrai à dire en ukrainien « Dommage, Staline n'a pas fini le boulot. Pas de pitié pour le pourri. » Alors, l'Holodomor, fallait aller jusqu'au bout, Staline, là, c'est quoi le boulot, là? Merde, il reste encore des Ukrainiens. Donc voilà, donc l'ambiance est bonne, hein, voilà, ça, donc voilà. J'en ai encore des belles comme ça. Alors là, j'ai des turbo-vaccinés qui, en bio, ont des tas de seringues. Il y a marqué Pfizer. Donc c'est Krunzel, 3 seringues, AZ, plus Pfizer. Donc AstraZeneca, j'imagine, plus Pfizer. Enfin bon, turbo-vacciné, quoi. Alors lui, il réagit en disant « Personnellement, c'est la remarque que je m'étais faite à Varsovie. J'avais trouvé ça curieux qu'il n'y ait que des Blancs. Je ne sais pas si les situations sont comparables. » Alors, il est drôle, là. Vas-y, vas-y. Attends, je suis obligé quand même d'intervenir parce que dans sa description complète Twitter, il y a les hashtags suivants. Apnée, cancer, vessie, athée, européiste, sauvons la planète, vivre ensemble, stop LGBT-phobie, stop racisme, solidarité sociale. Voilà. Ok. Moi aussi, pareil, totalement. Alors, il y a Clément, il y a quand même quelques blancs. Alors, il y a marqué Bale in love ou Baleine love. Donc, quelqu'un qui aime les baleines, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Bon, bref. Alors, qui réagit au propos de Saïf, hein, qui dit ceci. Merci de le dire, donc à Saïf. Un groupe d'Ukrainiens invité à un battle, donc à une bataille, un affrontement, un concours, si vous voulez. Un battle de breakdance m'a terriblement choqué et eux, donc c'était une femme, hein. Ils peuvent pas faire gagner un noir quand même. C'était la réaction des Ukrainiens, visiblement. Certains sont partis avant la fin, prétextant le bruit, et une femme m'a confié trop d'étrangers ici. Et là, un émoji qui vomit. Voilà. Donc en fait, Clément, c'est une Française totalement française, qui adore les baleines et qui est absolument outrée du fait qu'ils ont accompagné des Ukrainiens et des Ukrainiennes à un. Démonstration de culture française, c'est-à-dire donc des nègres qui bougent sur le sol, et visiblement ça n'a pas plu, là, scandale, Clémence est totalement écœurée. Alors il y a un boomer qui réagit, s'appelle Michel, il a l'air français lui, puisqu'il s'appelle Michel Hutto, et il dit ceci, si les Ukrainiens font ce type de réflexion, rien ne les empêche de repartir, car cela mériterait qu'on leur réponde vertement. C'est le même discours que tiennent la droite et l'extrême droite française. Cela incite à penser que la fameuse Ukraine démocratique, c'est du pipeau. Alors, c'est certainement du pipeau au sens où démocratique, habituellement, on pense que c'est le peuple qui dirige. Oui, non, c'est pas le peuple qui dirige en Ukraine. Enfin bon, Michel est écœuré. Hein, ils disent, Michel est à deux doigts de nous dire, mais il est temps de chasser ces étrangers de chez nous, quoi. Hein, on en a marre, quoi. Ils sont d'extrême droite. Quand ils sont islamistes, je pense que ça passe avec Michel, mais pas quand ils sont d'extrême droite ou Dixit d'extrême droite. Alors là, c'est juste c'est un panaché, quoi, mais en gros, Michel nous dit, bon, bah, la France, tu l'aimes ou tu la quittes, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, les petits gars ? La France, tu l'aimes ou tu l'Afrique, même. Ouais, bah écoutez, nos boomers, et, enfin, surtout nos bougnoules, d'ailleurs, et nos nègres, seraient-ils en train de faire un virage à l'extrême droite, d'être finalement tout d'un coup contre l'immigration. Peut-être vont-ils prochainement voter Éric Zemmour, je ne sais pas, pour qu'on arrête cette immigration de masse. Blanche. Ou alors que... Bah oui, attends, cette immigration blanche est insupportable. Pour donner ou alors il faut que les Ukrainiens s'adaptent, c'est-à-dire qu'on laisse passer que les Ukrainiens du Cameroun, ou qu'au moins que Tatiana change son prénom, pour... voilà, oui. Comme une célèbre mesure de... Oui. Proposé par Éric Zemmour et de Yann Fatima. Fatima, voilà, bah oui. En signe d'intégration et de respect pour la France. Bah, écoute, moi, Gandalf, moi j'ai aussi, par le passé, collecté tout un panel d'avis, mais de l'autre bord. C'est-à-dire que quand j'étais beaucoup plus jeune, il y a peut-être plus de 10 ans, j'avais une relation virtuelle, vous en pensez si vous voulez, avec une sud-américaine par exemple, que j'ai pu rencontrer à Paris. Elle était venue à Paris en visite, le temps d'un week-end. Et elle était jeune, hein, on avait à peine 20 ans. Et donc, il n'y a pas question de politique ni quoi que ce soit. Elle est arrivée, elle rêvait de voir Paris, hein, comme beaucoup d'étrangers. Et tout de suite, elle m'a dit qu'est-ce que c'est que tous ces noirs ? C'est quoi tous ces noirs ? Je comprends pas. Donc, ça m'a fait sourire. Et qu'est-ce que tu lui as répondu ? Je sais plus, parce que c'était très vieux, mais en gros, j'étais un peu comme un conte français, quoi. J'étais bouche bée, j'étais là, bah, c'est des noirs, c'est pareil, quoi, je suis vraiment désolé. et puis voilà, quoi, ça m'a fait marrer. Et puis également, j'ai été, il y a aussi quelques années, j'étais en Russie. J'étais en Russie pendant à peu près 2 semaines Donc j'ai pu aller à la rencontre des Russes. J'ai fait Moscou jusqu'en Sibérie. J'ai fait un beau voyage quand même. Et les gens me demandaient, donc les Russes, beaucoup de femmes, hein, me demandaient pourquoi vous avez autant de noirs en fait chez vous. Why so many niggers? Le meuf me demandait ça. Et c'était pareil. On était là. Bon, je sens que ces gens sont pas politisés, ils sont juste curieux en fait. Il y a des Français qui débarquent chez eux et du coup ils en profitent pour poser la question à moi et mes potes. Et on était comme des cons, quoi. On était là, ouais. On est dans une autre dimension. Ouais, il y avait ça, un Russe m'avait inspiré. Il m'avait dit I prefer nuclear disaster than so many niggers. C'était excellent, quoi. Ah, mais, c'est bien, ça rime en plus. Oui, ce qui en français veut dire je préfère un désastre nucléaire qu'autant de nègres, en fait. Hein, c'est, Exactement. Et puis après, j'ai senti que le mec était décontracté, donc je lui ai répété la même chose, évidemment, moi aussi. Vous voyez. Mais en même temps, on a l'air con, on est à l'étranger, on est des Français, puis on ne sait pas quoi leur répondre. Puis bon, on n'ose pas leur dire si caille, hein, évidemment, je suis d'accord, mais on essaie de garder un peu de retenue, quoi. On essaie d'être objectif. Mais, j'ai très peu de retenue, moi. Bon, maintenant j'en ai beaucoup moins depuis. Hein. Bah oui, ça se travaille, hein. C'est comme tout, hein. C'est, je veux dire. Mais ouais. Mais les Français se rendent pas. Enfin, c'est pas qu'ils se rendent pas compte. C'est-à-dire que le Français de base, qui est dans sa cloche républicaine, multiculturelle, négrifiée à outrance, totalement juive, pour lui, ce qu'il voit dans les rues de France, c'est totalement normal. Il y a pas. Enfin, je veux dire. Il y a des gens qui réalisent, si vous voulez. Mais globalement, mais même à l'extrême droite, je veux dire. La question n'est pas vraiment raciale, si vous creusez un peu. En fait, le Français ne comprend vraiment pas la question raciale, en fait. Donc, en fait, il va en crever à ce stade, quoi. Parce que c'est évidemment racial. Mais ils sont toujours là. Oui, non, mais c'est l'assimilation, c'est la culture, c'est se fondre dans le... Mais se fondre de quoi l'immigration blanche ne poserait aucun problème. Je veux dire, si on avait une immigration suédoise de masse, personne ne s'en plaindrait, absolument personne. On ne les verrait même pas, ils seraient invisibles. En une génération, ils seraient assimilés, ils seraient ultra français, je veux dire. Franchement, hein, je veux dire, bon. Mais les gars font semblant de ne pas comprendre, voilà. Sauf qu'à l'extérieur de la cloche française, tout le monde le comprend. Moi, je veux dire, je croise quand même régulièrement des gens qui me disent, mais en fait, il y a... Moi, les gens, c'est ce qu'ils m'ont dit spontanément, en fait. Il n'y a plus de Français en France. Enfin, ils me le disent pas, d'ailleurs, de manière scandalisée, d'ailleurs. Ils me disent pas, mais c'est incroyable, c'est scandaleux, mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent, il n'y a plus de Français, en fait, en France. Tu vois, c'est genre un constat. Ah oui, en fait, il n'y en a plus, quoi. Tu vois, genre, il n'y a plus de confiture, tu vois. Je croyais qu'il y avait encore de la confiture dans le frigo, mais il n'y en a plus. Tu vois, c'est exactement ça, quoi. Et les Français ne se rendent pas compte à quel point c'est une réserve d'Indiens, quoi. Ils n'ont pas du tout bité le truc. Alors, évidemment, avec Zemmour, la candidature Zemmour qui a mis la question du grand remplacement, tout ça, machin, bon, c'est sur la table. Mais c'est sur la table très tardivement. D'accord ? Et trop tardivement. Mais à l'étranger, où ils n'ont pas, parce qu'en France, tout est conditionné socialement, vous savez, c'est... en gros, comme c'est l'état de la société française, le fait d'être complètement multiracial avec les Blancs en minorité et tout, enfin, en tout cas, dans des parts grandissantes du pays, c'est la réalité quotidienne. Donc, tu dois t'en arranger au quotidien. Tu dois t'en arranger, d'accord ? Tu ne peux pas, hop, d'un coup de baguette magique, complètement changer la donne. Donc, quand tu vas au boulot, quand tu sors, tu t'en arranges, quoi. Donc, les gens rentrent dans ce moule par la force des choses. Il y a beaucoup de mecs qui rentrent là-dedans, mais ça ne leur plaît pas. Mais ils rentrent quand même là-dedans et ils font des concessions, d'accord ? Mais quand tu n'es pas dans le truc, que tu es à 1000, 2000, 3000 kilomètres, que tu regardes ça de manière très distanciée, très froide, parce que pour toi, la France, c'est juste un petit pays étranger, lointain, avec un peu d'une image d'épinal, tu dis, putain, la vache, il y a quand même énormément de nègres chez ces gens, quoi. Tu vois, et ils te disent le mot nègre, hein, ils en ont rien à foutre, quoi, hein, je veux dire, que ce soit... Enfin, parce que les gens s'imaginent que le rejet des nègres est un phénomène blanc. Mais alors ça, je tiens à arrêter tout le monde tout de suite, hein, je veux dire, je sais pas si les gens en ont conscience, mais grosso modo, les nègres sont détestés universellement. Ils sont détestés par tout le monde, je veux dire. dans le monde arabe, dans le monde asiatique, partout. Enfin, personne ne peut saquer les nègres. C'est ça qui est encore plus choquant, parce que dans l'imaginaire des gens, et ce qui était vrai encore jusqu'à une date pas récente, pas si lointaine, la France était considérée comme un des pays les plus civilisés du monde. Évidemment, on n'apprend pas ça aux Français aujourd'hui. Mais vous savez, c'était le pays des arts, le pays comment du savoir-vivre, le pays de la délicatesse, etc. Vous savez, et qui était le fruit d'un très long travail d'autodiscipline. Etc. Ça n'a pas été sans difficulté, quoi. Et qui transparaît d'ailleurs à travers les paysages, l'architecture, etc. Et en quelques décennies, les élites françaises décident d'importer le pire de la sauvagerie, c'est-à-dire les nègres. C'est vraiment la base de la sauvagerie, quoi. Et là, le choc est total, parce que les Russes, les Américains, les Japonais, même les Chinois, quand ils vont en France, eux, ce qu'ils aimeraient voir, c'est la beauté, la délicatesse, cet objet. Amélie Poulain, quoi. Ils viennent pour voir Amélie Poulain, ils arrivent dans une hutte... Bah ouais, exactement. Mais... Voilà, Hidalgo s'emploie à s'assurer que vraiment ce qui peut rester ne reste plus, quoi. Et c'est ça. Et alors au début c'était assez, les gens le savaient pas trop, parce que je veux dire il y a 30 ans les gens le savaient pas trop. Ils voyaient qu'il y avait je sais pas, dans les films ou les trucs, vous voyez bien dans les documentaires qu'il y avait des Noirs, des Arabes, des trucs. Bon, mais ils disaient il doit y avoir des quartiers où... Et maintenant c'est parce que la France est très très très prononcée par rapport à, et c'est surtout très endémique par rapport à d'autres pays, par exemple comme l'Espagne, où il y a aussi des populations halogènes, hein, joueurs d'Amérique du Sud et tout, mais c'est sans commune mesure. Le phénomène racaille n'existe pratiquement pas en dehors de la France, par exemple. Il n'y a rien d'équivalent en Italie. Vous avez des sauvages en Italie, mais c'est sans commune mesure. Alors, je ne dis pas que les autres pays vont y échapper ad vitam aeternam, mais c'est juste stupéfiant. Et même les Turcs, moi j'ai été en Allemagne, hein. Dans des quartiers totalement remplacés, où il n'y a plus un Allemand. Il n'y a plus un Allemand. Il n'y a que le Turc. Le cœur de Nuremberg, qui a été complètement restauré après la guerre, donc je parle de la partie médiévale de la ville, ouais. C'est complètement turquifié. Hein. Tu n'as plus que les Turcs et les putes. C'est la seule chose qui reste. Oui, mais je te dirai un truc, c'est que les Turcs, ils ont quand même 2-3 notions de savoir-vivre. Ils ont quand même 2-3 notions de savoir-vivre. C'est-à-dire que les types ne vont quand même pas t'agresser quand tu les croises. Moi, j'étais dans le quartier turc, au milieu des... T'avais des vieux, ils fumaient, tu sais, leur narguilé sur le coin de la rue, etc. Mais je me suis retrouvé dans un hôtel. Je ne savais pas qui était tenu par des Turcs, mais j'avais loué là-dedans, je me suis retrouvé avec des Turcs. Alors, les mecs sont patibulaires. Hein, ils te dévisagent, ils t'aiment pas. Hein. Mais bon, tu as quand même ton petit déjeuner le matin. C'est relativement bien tenu. Il n'y a pas trop de... Tu vois. Donc, j'étais dans une rue intégralement turque. Je prenais un tram intégralement turc. Je découvrais totalement. Donc, moi, en fait, j'ai découvert l'Allemagne par la Turquie, en fait. Bon, ça m'a un petit peu... ça m'a fait bizarre, parce que j'avais... T'as plus découvert la Turquie par l'Allemagne, je pense. Ouais, voilà. Non, mais en plus, c'est ça, exactement. Mais, je veux dire, ils ont quand même 2-3 notions de savoir-vivre, les Turcs. Alors, entre guillemets, hein, on s'entend. Comparativement aux nègres. Donc, si vous voulez, c'est le pire du pire. Et donc, les gens, au bout d'un moment, après 30, 40 ans, 50 ans d'immigration de masse, quand tout est repeuplé, bah, les gens ne peuvent plus faire l'impasse. Ils ne peuvent plus dire, bah non, mais en France... Et maintenant, quand vous avez qu'à regarder, hein, quand il y a des, à l'étranger, quand il y a des... Parce que bah, c'est ça, maintenant, les Français, ils vont à l'étranger, entre guillemets. Ils se font serrer par les flics avec des histoires. C'est que des nègres et des bouillons, quoi. J'avais déjà raconté l'anecdote là pendant l'émission, mais l'avant-dernière fois que je me suis baladé dans le métro londonien, il y avait un nègre fou qui gueulait des trucs en français, même moi j'avais du mal à comprendre, et t'avais des commentaires des Britanniques qui disaient « Ah, c'est français !» Tu vois, ils avaient associé. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il y a de l'espoir, les gars, il y a de l'espoir. Parce qu'en fait, j'ai été très attentif. En fait, quand vous voyez les blocs d'immeubles à Kiev, à Mariupol, à Odessa, oui. Quand vous les comparez au 93 et au 92, oui. Vous vous dites qu'un missile calibre... Oui, mais il va falloir voir beaucoup plus grand, hein, alors, hein, parce que il y a quand même beaucoup, beaucoup plus de travail, quand même. Oui, mais quand même, parle de ça, franchement, moi, ça me fout la gaule. Puisqu'on parle de ça, Diabolix, c'est une parenthèse hein, qui n'a pas trop de rapport avec le sujet, mais on va quand même la faire. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'en fait, les nègres arrêteront d'être des nègres le jour où on leur balancera assez de pognon. Voilà. C'est magique, ça change l'ADN, apparemment, l'argent. Et donc, tout ça, c'est une histoire de pauvreté. Et ben justement, dans les... il y a des quartiers, des blocs de HLM dans les pays de l'Est où il y a pas mal de pauvreté aussi. Les gens se comportent bien, quoi. Tu ne te fais pas agresser, tu survis, quoi. Tu peux traverser à pied, tu ressens le côté vivant. Enfin, sans aucun problème. Ah oui, non, mais c'est le logiciel marxiste des Français. C'est-à-dire que les Français ont avalé du Zola, du Victor Hugo, ils ont avalé du Rousseau depuis deux siècles. C'est-à-dire qu'ils ont été biberonnés à ça, parce qu'il faut imaginer ça. On a, en France, on a des rues, des écoles Louise Michel. Ah ouais. Non, mais on exporte en plus, hein. On a des erreurs philosophiques, il y a beaucoup d'erreurs philosophiques qui sont venues de France. Pas seulement la Révolution française, qui sont exportés en plus, parce qu'on exporte nos. On exporte des nègres, hein, surtout en ce moment, mon cher Pierrot. Écoute, on a beaucoup, on peut se permettre. Quoi. Non, mais c'est ça, quoi. Et je veux dire, ça. Donc la France devient. Enfin, est devenue une bauge. Une bauge négroïde arabisée. C'est un truc infect. Alors, quand t'as une bauge entre les. Quand t'as les pieds dans la bauge, tu peux dire à tes voisins, bah vous avez vu, hein, j'ai les pieds dans la merde. Ou alors tu peux dire, qu'est-ce que vous avez à regarder ma formidable baignoire en or massif? Est-ce qu'elle vous gêne? Vous voyez, tu vois, c'est, tu peux faire semblant d'eux. Les Français, ils font semblant de pas comprendre ce qui se passe. Vous voyez, en gros, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans une situation merdique, tu positives ou tu es à la réalité telle qu'elle est? En fait, les Français, collectivement, aujourd'hui, ils préfèrent se mentir en disant que la France est géniale, que truc. Alors que, d'abord, tout ce qu'ils ont en termes de... Bon, c'est soit des blancs trims pour faire tenir la boutique, soit c'est le pognon qui est emprunté auprès des juifs à New York. Voilà, c'est ça qui fait tenir la France aujourd'hui. Et, mais quand ça va s'effondrer, on aura sur les bras, là actuellement c'est 17 millions d'halogènes, tout confondu, là, je mets du Réunionnais, je mets du Guyanais, je vous mets du nègre, je vous mets tout là-dedans, hein. je vous mets la totalité, je vous mets les Turcs, je vous mets les Juifs, je vous mets absolument tout, hein. L'Algérie, tout, le panaché total, vous voyez. Ça, c'est 17 millions actuellement, mais ça continue d'enfler démesurément. Alors, voilà, le truc, c'est que tant qu'on va pouvoir emprunter, on va faire gonfler la bulle spéculative des nègres en France, hein. C'est... En fait, voyez ce que je veux dire? Je vais vous dire ça et j'en termine. La France emprunte du fric qu'elle transvase dans des programmes sociaux qui se convertissent en nègres. Plus on fait de programmes sociaux, plus on importe de nègres qui se mettent à pondre des nègres. C'est très simple à comprendre. Vous empruntez du fric, vous convertissez ça en nègre. Ça, c'est l'équation française. Aucun politicien ne veut arrêter ça. Sauf, de ce que j'ai cru comprendre, Zemmour un peu, Marine Le Pen, de moins en moins. J'ai cru comprendre aussi. Aux dernières nouvelles, j'ai vu Robert Ménard dire il faut faire barrage à Zemmour. D'accord, ok, pourquoi pas. Il fallait voter pour lui avant-hier, c'est compliqué tout ça. Ouais, tout ça c'est compliqué. Mais je veux dire, c'est ça quoi. Donc en fait, il faut que la France... Moi je veux dire, c'est mon message, mon dernier message, vous voyez, c'est peut-être qu'on retrouvera ce message gravé sur, je sais pas, un truc digitalisé, envoyé dans l'espace, qui voyagera pendant 1 million d'années. Arrêtons d'emprunter pour produire des nègres en France. Est-ce que c'est possible ça, s'il vous plaît? Et non, c'est pas possible, parce que les dirigeants français, le Bercy, personne ne veut arrêter ça. Donc la machine infernale qu'est le ventre de la bête toujours fécond, tu vois, il est qui est le ventre d'un gorille visiblement, tu vois, d'une femelle gorille quoi, tu vois, c'est, ça n'arrête plus quoi. Et voilà, c'est ça qui nous attend quoi. D'ailleurs, j'ai fait un peu l'impasse là-dessus. J'ai pas parlé des élections parce que je m'en fiche en fait totalement. Mais voilà. Alors on était plus sur la France exporte ses talents. Les Ukrainiens sont choqués par le talent qu'on exporte. Pierrot disait, bah, vous avez vu, finalement, ils sont dans des barres HLM, dans leur pays là-bas, il fait froid, moins 40 et tout, mais ils sont civilisés, comparativement à nos nègres, à nous. Voilà. Bon, bah oui, évidemment, forcément. Donc j'ai envie de dire, est-ce qu'on pourrait pas interchanger l'Ukraine avec la France ? On prend la France, on la positionne à la place de l'Ukraine, on prend l'Ukraine, on la positionne à la place de la France, on fait bombarder la France par l'armée russe. Est-ce qu'on peut obtenir quelque chose comme ça à brève échéance, oui ou pas ? Pas la violence, hein, mais si jamais par erreur, oui. Un missile tactique ou plusieurs missiles tactiques nucléaires, je ne sais pas qui atterrissent sur Paris. Ouais, au lieu de Kiev, quoi. Ouais. Ouais. C'est-à-dire, ouais, voilà. Bon, pff, les gars, pff, ouais. Bon, oui, c'est, ouais, mais sur la carte, c'était, vous voyez, c'est l'histoire de 2, 2, 3, 0, là, voilà, on s'est gouré, autant pour nous. Voilà, bon, mais est-ce que c'est si grave ? C'est con, hein, parce que la vie est belle. La vie est belle. La ville est belle, mais c'est le problème de Paris, c'est les Parisiens, c'est pas la ville. C'est pas les murs. Non. Je pense que pour faire simple, il suffit de pour reposer les choses à plat et voir très simplement les choses. En fait, plus la France stocke des nègres, plus nous devons stocker d'or, en fait, de notre côté. Ah ouais. Je tiens quand même à rappeler une chose. Il y a quelques années d'ici, un journaliste d'une médiocrité totale expliquait que s'il était élu président de la République, son premier acte serait de raser le château de Versailles. Eh bien, il n'aura pas à le faire. Je crois qu'avec Macron et l'Union européenne, ce sera réduit en cendres radioactives assez rapidement. Brièvement, oui, alors j'ai vu ça, le speed dating, je passe vite fait là-dessus, mais c'est toujours sur le thème des réfugiés. Il y avait une, c'était la Ferté, hein. C'était en Normandie, dans la Normandie profonde, quoi. Il y avait le compte officiel d'une association d'aide, je sais pas, les trucs sociaux, vous savez, putain. Et les Français, ils adorent les trucs sociaux. Ils aiment le social. On peut se permettre, hein, on n'a pas de tête, faisons du social. Alors, c'était la Ferté, ils faisaient du social. Alors ils faisaient, donc soi-disant c'était pour l'intégration des réfugiés étant pris au sens très large du terme. Et donc on avait une photo magnifique du compte officiel de l'association en question dont j'ai oublié le nom, mais est-ce si important, je ne sais plus, truc Beans quoi. Et à la Ferté, moi, bon, je vais quand même le donner par souci de précision. Voilà, donc c'était la Flora, LP Flora Tristan, la Ferté Massé. Je cite le tweet de l'association Accueil des Ukrainiens du lycée Andenne sur le dispositif UPE2A. Connais pas. Les garçons africains et les filles ukrainiennes ont fait connaissance à la façon speed dating. Les allophones sont scolarisés sur les différents établissements publics de la Ferté-Massé. Voilà, donc c'était... Bon, bref. Et alors, effectivement, on a une magnifique photo où on a des mâles nègres, tu vois. Alors, officiellement, c'est des mineurs. Bon, ben... Ouais, enfin, ils ont quoi, 24 ans, quoi, 25 ans. Et donc, on ouais, a des... Ouais, des sacrés barbes. Voilà. des jeunes... Ça te dépasse du masque, tu vois. Des jeunes ukrainiennes aux cheveux longs, des jolies filles, là, comme ça. Bon, elles sont placées dans le bain de la France tout de suite. Je veux dire, là, c'est l'assimilation à marche forcée. Putain, c'est des images dignes du Troisième Reich, au sens propagande pour abrouer la France, hein, bien sûr. Hein. Donc, c'est vraiment des bordées de nègres qui reçoivent leurs ukrainiennes Amazon. Hein. Incroyable, mais c'est vrai. Donc, la Ferté Massé en pleine Normandie. Je veux dire, on n'est pas dans le 93, on n'est pas à Villeurbanne. On est dans la Normandie rurale, pratiquement, là. Hein. Donc, c'est du délire. Je veux dire, la France est totalement négrifiée. C'est partout. Et alors, quand vous avez par hasard des blanches qui arrivent en France, elles sont jetées, livrées par le pouvoir français. Et les agitateurs des associations d'extrême-gauche qui s'occupent de l'immigration, elles sont livrées à des nègres. Clairement, je veux dire, speed dating. C'est cité dans le tweet de l'association, façon speed dating. D'accord ? Speed dating, tout le monde comprend ce que c'est. C'est-à-dire, c'est, vous savez, vous arrivez, en gros, c'est qu'il y a une... vous avez des gars qui arrivent, des filles qui arrivent. Le speed dating, le concept, c'est quoi ? C'est donc c'est à vocation amoureuse, hein, voilà. C'est vous avez 10 gars, 10 filles, et les dix gars, les dix filles doivent interagir avec avec leurs vis-à-vis, tous leurs vis-à-vis, et puis estimer lequel leur paraît le plus intéressant. Vous voyez, c'est un speed dating, donc en fait une rencontre rapide en français. Ou une rencontre éclair. Et là, c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire que le nègre, hop, il a son ukrainienne, puis il passe à la suivante, puis il passe à la suivante, puis ça. Et les nègres étant les nègres, hein, je vous fais pas un tableau, hein, voilà. Donc ça, c'est organisé sur fond public, effectivement, dans le cadre de l'éducation nationale, avec l'aide de l'extrême gauche, tout ça dans la Normandie rurale. Mais tout va bien, moi je vous dis, tout va bien. Hein, pourquoi se radicaliser? Je vous pose la question. C'est du proxénétisme, hein, je veux dire. C'est à deux doigts d'eux, ouais. International, proxénétisme international. Voilà. Alors non, ça, ça a tourné un petit peu. Vous avez des comptes comme Visegrad 24, vous savez, qui font la propagande pour la politique de la Pologne, de la Hongrie, de la Slovaquie et tout, en mode on défend les frontières. Mais là, comme c'était des Ukrainiens, et que Visegrad 24 c'est géré par des Polaques, et que les Polaques ne peuvent pas encadrer les Russes, ils trouvaient ça génial de livrer des Ukrainiennes blanches à des nègres d'Afrique en France. Ils disaient, ouais, c'est génial, la France, c'est une puissance qui accueille les réfugiés. Donc, voyez-vous, hein, si vous voulez, de l'identitaire chauvin à la con façon polonaise, moi, je m'en passe volontiers, quoi. C'est-à-dire que ces mecs-là... Jacques Attali aussi avait... Ah oui, il a adoré. Il a dit que c'était la belle France. La belle France. La belle France avec un cœur. Ouais. Il a dit, voilà, ça, c'est l'image de la France. Donc, tu vois vraiment, hein, tu vois une ligne de nègres, une ligne de mâles nègres, assis face à une ligne de jeunes filles blanches d'Ukraine. Et Attali voit ça, et il est là, la belle France. Voilà, c'est ça, c'est son rêve. C'est pour lui, ça, c'est la France, quoi. Il a raison, c'est la France juive. Hein. C'est exactement ça, c'est ce que disaient les nationaux-socialistes. Hein. Quand ils ont envahi la France, ils ont dit exactement ça. Effectivement, c'est la France, c'est le juif qui livre les femmes blanches aux nègres. Effectivement, oui, c'est totalement ça. Là, c'est l'ubérisation de la tige de nègre, quasiment. Exactement. C'est la France, hein, c'est la France. Alors, Speed Nero. Créer le site, faut créer l'entreprise, je pense, et faut que ça se répande dans toute la France, tout l'Occident. Hein. En pratique, c'est ça la France, quoi. Donc c'est du breakdance, c'est des associations qui te livrent des nanas, des gamines blanches d'Ukraine qui viennent d'un pays en guerre à des gros cafres. C'est des mamadous qui sont scandalisés, des saïfs qui sont scandalisés parce que quand même les Ukrainiens ils sont racistes alors que bon, hein, voilà, on est quand même gentil de les accueillir. Bon, voilà, hein, bon, bref. Quoi. T'imagines les lycéennes ukrainiennes, elles s'imaginent Amélie Poulain justement, hein, elles font de la route, elles arrivent au fin fond de la Normandie, ouais, qu'est-ce qu'elles voient. J'ai l'impression que c'est toujours des patelins reculés de France qui font un peu de zèle à chaque fois. Là, bon, c'est du speed dating de nègres. Je sais pas, avant, c'est des patelins qui se réjouissent d'accueillir une, deux, trois tribus de nègres. C'est toujours dans des patelins reculés comme ça. Ça me glace le sang, franchement. Parce que je savais même pas que c'était possible. Je crois surtout, Merlin, que ça permet aux mairies de pouvoir pleurer auprès de la préfecture, ouais, pour avoir ça, ouais, un peu de thune. Ouais, c'est exactement ça, ouais. En fait, il faut savoir que ça fonctionne par palier de population. Discuter de ça avec des camarades sur une région qui m'est chère. Ils m'expliquaient dans un bled, les gars, mais un bled blédissime, quoi. C'est genre, je sais pas quoi, il y a. C'est un village, ok. Et ils m'ont dit, mais on a vu du jour au lendemain, avec l'aval des élus politiques qui sont dans toutes les villes, dans toutes les communes de France et de Navarre, des vendus au pouvoir politique en place à Paris. Il faut bien comprendre ça. Les gens pensent que quand ils élisent un maire, ils le représentent auprès du pouvoir central. C'est l'inverse. Le maire représente le pouvoir central auprès de la plèbe, auprès des paysans. Et ils ont vu les bus arriver. Il m'a dit, on les a vus comme ça. Mon collègue en question m'a dit, on les a vus. J'ai dit, par jour, je vois une nouvelle bagnole. Puis ils arrivent et tu peux pas les manquer, quoi. Ils arrivent, ils débarquent. Et c'est la colonisation. Ils sont extrêmement agressifs, extrêmement haineux. Et c'est dans des petits villages reculés. Et forcément, dans un village de 2000 personnes, tu mets comme ça 200 sous-hommes d'Afrique organisés en tribus, en gangs. Ils mettent le village en coupe réglée en 2-3. minutes, c'est vite réglé. Voilà. Voilà. Et tout ça sous la supervision, la bénédiction des préfets, des maires, de tous les politiciens, de toute la vermine en place. Voilà, ni plus ni moins. C'est ça qui se produit. Ça se produit donc à La Ferté, ça se produit dans tous les villages de France et de Navarre, progressivement. Voilà, ça prend son temps. Mais c'est la politique de peuplement de Manuel Valls, qui a été reprise récemment encore par, je ne sais plus quel homme a cité ça encore à son compte, l'homme politique, là, c'est peut-être Darmanin, mais sinon c'est Castex, ou de toute façon Macron, et de toute manière toute la bande. Et voilà, et ce n'est pas propre à une famille politique, à un parti, c'est pas propre aux Républicains, c'est pas propre au Parti Socialiste, c'est pas propre à La République En Marche, c'est l'État français et la clique dirigeante qui est à la tête de l'État français, c'est-à-dire la grande bourgeoisie française. Aiguillonnée certes par les Juifs, mais la grande bourgeoisie française, qui bien évidemment hein, essaye de protéger sa petite famille de ce merdier racial, c'est-à-dire que la jungle raciale, c'est pour le bas peuple, hein, on est bien d'accord. Donc voilà dans quoi on est. Alors, peut-être une bifurcation rapide, avant de nous séparer pour aujourd'hui, sur la question des élections, puisque c'est la dernière ligne droite, je sais pas. Le premier tour, c'est la semaine prochaine ? Dimanche prochain ? Je sais même pas, tellement que je l'avais. Je crois que c'est le 10 avril, non mais je crois que c'est le 10 avril, donc à mon avis, c'est la semaine prochaine. Non mais j'en ai tellement rien à foutre que c'est... ouais, c'est je suis tellement guéri de la démocratie que vraiment, je ne m'intéresse plus. Mais, comment dire, est-ce qu'éventuellement quelqu'un aurait quelque chose à dire là-dessus ? Parce que bon, il y a au moins un mérite à mettre à cette campagne électorale qui a duré un temps interminable. C'est d'au moins d'avoir partiellement pu mettre la question du grand remplacement, de la remigration dans le débat. Bien sûr, c'est superflu, parce que quand on connaît l'état de la réalité de la natalité française, et surtout extra-européenne en France, bon, c'est des débats qui n'ont plus tellement d'importance. Mais bon, voilà, disons que, pour le principe, est-ce qu'éventuellement vous voudriez dire quelque chose à la veille de ce premier tour, même si c'est pour dire toute l'indifférence qui est la vôtre ? Sauver la France, manger du nègre. Vaste programme, ouais. À dire à l'autre. Moi, je m'exprimerai peut-être après le premier tour pour voir s'il y a moyen de... Moyen de moyenner. La merde, en fait. Hein. Finalement, c'est ça qui. Je vois le seul intérêt pour moi de l'élection présidentielle, ça va être essayer de rebattre un peu les cartes, mais c'est pas forcément l'extrême droite que je parle. Quoi. C'est, même si Mélenchon peut passer au deuxième tour, moi je prends. Hein. Donc, ah oui, on verra prends. Bien. Moi je suis toujours déçu. Ah oui, je prends volontiers ça, par contre. Oui. Pas encore tous les soirs parce que la jeune, belle, fringante, courageuse Sandrine Rousseau n'est pas passée. Pour l'investiture de son parti, voilà, ça aurait été sympathique. Ouais, on a Jadot. Je prends. Oh, c'est naze. Jadot, il est. Ah, tu sais, d'abord, il a un nez qui est très long. Sa femme aussi, je crois. Oui, ça porte à. C'est sa femme, c'est une juive. Mais tu sais, il est là, il essaie de se donner des airs de mec. Des airs d'auto. Enfin, il est d'un grotesque Jadot. Il est intégralement nul, je veux dire, c'est naze. À mon avis, il n'y a pas une femme qui imagine faire l'amour avec lui. Et ça, excusez-moi, c'est un frein en politique. Alors, est-ce que madame, je suis obligé de t'interrompre un petit instant ? Parce que là, Macron, il a fait son meeting hier. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Il a fait un petit clin d'œil, un petit bisou à sa femme, là, sur... À la vieille ? Distance. À la distance, tu vois, il a... Sa main. Ah ouais. Et ça a été repris par toutes les rombières sur les réseaux sociaux. Ouais, oh là là là là. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est un malin, il a réussi, tu vois. On lui a conseillé. 40 ans, 50 ans, elle rêve. Ah ouais, bien sûr. Non, mais il faut reconnaître quand c'est bien senti, que c'est bien fait, je veux dire, indépendamment du reste. Donc voilà, donc t'as le gars, il a 43 ans, etc. Ouais, bah toutes les rombières qui ont 60 et plus, elles vont pas cracher sur un gars de 43 ans, on est d'accord. Enfin, à mon avis. Je crois pas, enfin bon. Elles vont toutes être là. Ah, mais il est beau, et puis il a tellement... Et en même temps, tu vois, moi je mettrais ça au crédit de Macron, c'est-à-dire que les autres sont tellement nuls. C'est ça, c'est en fait, il n'y a pas tellement de match. C'est le problème, il n'y a pas de match. C'est parce que Macron lui-même, il est pas. C'est quand même pas mirobolant, je veux dire. Il a pas de charisme. Il est pas sa politique. Moi, il y a un truc qui me sidère. On va pas disséquer le bilan de Macron, mais il y a un angle mort de toute la critique sur ce qu'il a fait, c'est la catastrophe absolue que représente sa politique étrangère. C'est-à-dire que Macron, en 5 ans, a réussi un exploit que je crois qu'aucun autre président, même Hollande, je veux dire, a réussi à réaliser. C'est crise diplomatique sur crise diplomatique avec des puissances étrangères, même avec lesquelles la France avait traditionnellement des rapports assez apaisés. Il a réussi à créer une crise diplomatique très profonde avec le Brésil. Il a créé une crise, alors qu'il pouvait s'expliquer avec la Turquie, bien évidemment, mais entre autres, il a fourré son nez au Liban, on ne sait pas pourquoi, il s'est imaginé faiseur de roi au Liban, tout ce qui a complètement foiré. Il est parti se piquer ce qui se passait en Birmanie avant d'en disparaître comme il était venu. Enfin, tu vois, c'est un butineur, quoi. Il arrive, ah, salut, bonjour, trouvez pas, et il disparaît, voilà, simplement pour faire la une, quoi, tu vois. Et en fait, il n'a jamais défendu sérieusement, avec constance et cohérence, les intérêts du pays qu'il représente. Ça m'a toujours frappé, quoi. Il a volé de catastrophe en catastrophe. Il a volé, à un moment donné, il a rappelé l'ambassadeur de France aux États-Unis, il y a quelques mois. Personne n'en parle, je veux dire. C'est quand même incroyable. C'est une crise sans précédent au plan diplomatique, juste avec les États-Unis. C'est même pas abordé. Les gens s'en foutent. Les rapports avec la Grande-Bretagne sont exécrables. Les rapports avec Poutine sont exécrables. On se fait dicter notre conduite par le clown Zelensky qui joue du piano avec son membre devant les caméras. Personne n'a un sursaut d'orgueil en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Non, tout le monde est prosterné devant le bouffon. Il n'y a rien qui va, je veux dire, au niveau de la politique étrangère française. La France n'a plus de politique étrangère. Plus rien. Ce ne sont que des crises à répétition, des frasques à répétition. Je ne parle même pas de l'aventure syrienne, où là, c'est catastrophique, ni même de la Libye. Et les rapports avec l'Algérie, j'en parle même pas. Ils nous balancent des œufs pourris en permanence. Alors, je sais que les rapports avec l'Algérie sont compliqués traditionnellement, mais rappelez-vous, et surtout, c'est ce que j'ai appris récemment, c'était dans un documentaire, là, que Macron a sollicité les fonds en 2017, parce que tous les vrais, véritables dossiers, ils sortent toujours. On a l'impression de faire l'égyptologie, quoi. Alors, c'est tous les trucs sortent même 1000 ans après, quoi, tu vois. Donc on apprend qu'en fait, les bailleurs de fonds algériens ont accepté de mettre la main à la poche pour Macron, mais moyennant de plates excuses sur la question de la guerre d'Algérie. Je sais pas pourquoi les Algériens en font un tel cas. Parce que politiquement, ça avance pas du tout leur pays, je veux dire. Si, psychologiquement, dans un rapport de force, ça me paraît complètement con. Donc les Algériens n'ont pas l'air non plus d'être plus visionnaires. Bon, peu importe. Bon, ça sort maintenant, donc voilà. Mais bon, au final, il n'est pas récompensé, puisqu'il se fait quand même traîner dans la merde par les Algériens qui montent une crise diplomatique pour faire monter les enchères à la veille des élections. Enfin, c'est quand même dingue. Donc en fait, il n'y a rien qui fonctionne nulle part. Même dans les pays à bougnoule que Macron passe son temps à courtiser. Il a été foutu dehors du Mali. Et je comprends rien, quoi. La diplomatie française n'a jamais. Moi, je n'ai pas souvenir. Hein. Ouais. Oui, à part peut-être la mise au ban, en 1815, dans une certaine mesure. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais pas loin d'eux. Parce qu'il n'y a pas une mise au ban aussi formelle aujourd'hui, mais je veux dire, on n'a jamais vu une diplomatie française aussi catastrophique. Jamais. Vous n'entendez personne s'en plaindre. Personne. Aucun candidat ne remet en cause le bilan de Macron sur ce sujet, qui est quand même considérable. Tout passe comme une lettre à la poste. C'est fascinant. Et bilan intérieur, Macron, bah quoi, ouais, plus de nègres, plus de dettes. Des masques. Et il a cogné sur les gilets jaunes. Voilà. Bon. Bah, c'est tout, quoi, je veux dire. Mais bon, les gens ont l'air... Et on leur dit, oui, non, mais d'accord, ok, Macron, d'accord, c'est ça, mais à côté de ça, il y a quand même Marine Le Pen, alors bon... et là, évidemment, je dois bien concevoir qu'effectivement, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux mettre une chèvre face à Marine Le Pen, j'ai l'impression que la chèvre gagnera systématiquement, quoi. C'est ça qui est dommage. C'est un peu le chèvre, Macron. C'est la chèvre du système, putain. Ouais, c'est ça, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si... Mais en fait... Mais tu donnes du crédit mais énorme aux électeurs, les gens, ils s'en foutent de tout ça. Je sais, oui, oui, mais... Ils veulent, qu'ils sont dans un calcul, est-ce que à la fin du mois, si je vote pour A, j'aurai peut-être plus 20 euros à la fin du mois, si je vote pour certes, voilà, fin de l'histoire, et c'est fini. L'histoire des sous-marins australiens, c'est déjà oublié tout ça. C'est vrai que l'électeur de base, il se soucie pas de ça, mais c'est un ensemble. Normalement, le candidat, il doit avoir, quand même avoir une espèce de il doit être capable d'arriver, de dire, voilà, la France, je vais la situer au niveau international à peu près ici, vous voyez, et il doit pouvoir la situer. Et quand on fait le bilan de Macron, c'est catastrophique. Mais ce que je disais, c'est qu'il n'y a aucun candidat qui l'assassine sur son bilan. Ils sont tous en train de lui dire, ouais, mais... En fait, sur des trucs, en fait, que Macron esquive totalement, en disant, ouais, mais de toute façon, c'est des fascistes, tu vois. Enfin, et en fait, ça, c'est scandaleux, parce que... Enfin, c'est quand même assez scandaleux, je veux dire, parce que... Macron n'a pas fait de campagne. Et ça, c'est assez nouveau. Et ça montre... qu'il y a peut-être une vertu, d'ailleurs. Petit à petit, on sort de la démocratie. C'est-à-dire qu'en fait, Macron, il se dit, j'ai pas besoin de faire campagne. J'ai pas besoin d'aller chercher les électeurs. Dans l'idée de ses stratèges et dans l'idée de Macron, il représente une classe sociale. Sa classe sociale est fidèle, ce qui est vrai. Et elle va voter pour lui, quoi qu'il arrive. Et il se dit, voilà, ça va me faire tant d'électeurs au premier tour. J'ai pas besoin de me prêter à ce cinéma électoral, de la campagne, etc. Je passe ça par pertes et profits. Ma campagne, je la fais à l'étranger, sans forcer. Je téléphone à Vladimir une fois de temps en temps. Je téléphone à Biden une fois de temps en temps. Je me déplace ici à droite, à gauche, là, pour résoudre telle ou telle soi-disant affaire. Voilà. Les gens vont me voir survoler comme ça le marécage des débats politiciens de la campagne électorale. Ils vont voter pour moi. Et c'est vrai. C'est exactement ce qui se passe, c'est sûr. Mais du coup... Il respecte pas les usages qui étaient en place depuis l'avènement républicain. C'est-à-dire que normalement, quand même, même si le candidat était très favori, bon, il y avait quand même dans l'idée qu'il fallait au moins jouer le match. Et Macron, il dit non. Non, j'ai pas envie de jouer le match. Donc en fait, même Macron n'est pas convaincu que ça sert à quoi que ce soit les élections. Il dit voilà. J'ai mon bloc, ils vont voter pour moi. Deuxième tour, vote utile, contre le péril fasciste. Je sais que j'aurai toutes les voix de la gauche, c'est ce qui se dit. J'aurai tous les médias pour moi, qui vont dire que c'est trop dangereux, on peut pas s'amuser à jouer les apprentis sorciers avec Marine Le Pen, voilà. Et le mec est tranquille, voilà. Donc l'éternel deuxième tour, ralliement républicain, commande 2017. Et on sait que ça va jouer comme ça. On sait que ça va jouer comme ça. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus d'enjeu politique. Tout le monde s'en tape. Tout le monde sait que ça sert à rien. Mais bizarrement, et c'est là que je ne m'explique pas la chose, quand on invoque le mot république ou démocratie, tout le monde est transcendé. Donc c'est ça que j'arrive pas à saisir, en fait. C'est que personne n'y croit, en pratique. Donc en gros, personne ne va à la messe. Mais quand on invoque le nom de Dieu et de l'Église catholique, soudain, tout le monde est croyant. J'arrive pas à comprendre ce truc. Je ne sais pas si vous avez une explication pour moi, ça m'aiderait. Ouais, je pense que le français, en fait, il vote pour celui qui a l'air sérieux et qui garantit en même temps qu'il n'y aura pas de vague. Un mec comme Macron, c'est quasiment l'idéal, quoi. C'est le vide dans ses discours, tout le temps, en ayant l'air stable. Donc, en gros, le français vote pour le statu quo. Bon, déjà, les nègres, c'est pas un problème. Donc, à partir de là, il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit, j'ai l'impression. Dans la tête du français, je pense que c'est comme ça, du connard moyen. Et j'ai même entendu un nègre qui disait « Ouais, mais Macron, c'est pas si mal quand même, tu te rends compte il a traversé les gilets jaunes, il a traversé le Covid, il a quand même géré, quoi. » Parce que même si Macron a un bilan désastreux, en fait, c'est contrebalancé avec les événements qu'il y a eu. Artificiel ou pas d'ailleurs, qui a eu les gilets jaunes ou qui a eu le Covid, maintenant la guerre en Ukraine, c'est voilà, ça, il a quand même vécu ça, notre président. Il a survécu à ça. La France, du coup, ça va pas si mal, etc. Une sorte de magma de pensée de merde comme ça, qui fait que bon bah le Français il est satisfait avec ça. Il pense que Macron, bon bah quand même, il a quand même géré quoi, malgré toute la chiasse qui en découle quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est assez abstrait au final, hein. Je vous l'accorde. Hein, c'est... Non, non, mais ce que tu dis, c'est très juste. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Hein. C'est, en fait, c'est la prime va à l'occupant. C'est pas à l'occupant de mon choix, d'ailleurs. Mais la prime va à l'occupant. Et donc, bon, effectivement, sous l'effet de tous les événements et tout, ils disent, bah ouais, mais vous avez vu, il a quand même gardé le cap, etc. Donc, tous les bourgeois... En fait, le vote bourgeois ne peut que se retourner vers Macron. Enfin, je veux dire... Par peur des extrémistes, hein, Marine Le Pen étant une extrémiste visible. De toute façon, Marine Le Pen, c'est en fait, quand on pointe pas du doigt son extrémisme, en fait, c'est son incompétence qui est de nature à faire peur aux bourges. Donc ça suffit en fait. Le bourge, il a peur soit de l'incompétence, soit de la radicalité, hein, c'est tout. Hein. Donc voilà, il faut pas que quelqu'un fasse trembler le bateau pour voir. Donc c'est exactement ce que tu as dit, je vais pas paraphraser non plus. Donc voilà, mais ouais, c'est exactement ça quoi. Donc voilà, on fait le tour. La gauche désespérément à plat, hein, je veux dire franchement. Mais Mélenchon, il a l'air de capter ses éternels fonctionnaires quoi. Hein. Voilà, c'est pareil. Il a son réservoir de vote. Bon, c'est très bien. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je pense voter quand même, et je pense que je vais voter fermement Éric Zemmour. Parce que j'aimerais bien que les sales nègres qui hurlent en bas de chez moi à 5h du mat me le fassent quand même avec un prénom français si possible. Ah oui, c'est sûr, ça serait mieux. Ça serait mieux. Voilà, oui. Non mais par contre, et en guise de conclusion, je crois que... vous savez, Marion Maréchal s'est mis dans la danse, et c'était observé d'ailleurs par le Canard Enchaîné, j'ai remarqué ça, c'est pas inintéressant comme analyse. Il disait en fait que Zemmour a commencé vraiment à stagner dans les sondages à partir du moment où il a fait rentrer dans la danse la candidate bis qui est Marion Maréchal en fait, qui est devenue en fait, qui l'a vampirisé totalement. Parce que je sais pas ce qu'il s'est imaginé, qu'il a gratté des poux, c'est complètement con. Cette nana là, elle apporte rien, elle est nulle, elle vit. Bref, mais c'est une attention war de première. Et en fait, sa candidature à Zemmour, c'était l'analyse qu'en faisait le Canard Enchaîné, et vraiment, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que, à partir du moment où il a fait rentrer Marion Maréchal en guest star dans sa campagne, dans la dernière ligne droite, Zemmour s'est fait vampiriser par cette femme horrible, qui est aussi horrible d'ailleurs que sa tante, et elle est clairement en train de jouer le coup d'après. C'est-à-dire que c'est Marion Maréchal 2027. Et le pauvre Zemmour s'est retrouvé pris en otage, passager de sa propre campagne, prenant tous les coups, en fait. Enfin, c'est le film Bodyguard, quoi. Je veux dire, excusez-moi, c'est lamentable. Je veux dire, il fait sa campagne... enfin, je veux dire, il essuie toutes les pires merdes pendant 5 mois, et dans le dernier mois, il donne le volant à Marion Maréchal, qui arrive comme enfin, qui pose son cul de princesse là, bonjour, elle fait 2-3 allocutions, elle récupère le truc, et le pauvre Zemmour, il a plus qu'à finir là, je le voyais essayer de faire un match de foot avec Zidane le dégage, enfin c'est catastrophique, enfin, je veux dire, enfin, c'est un cataclysme, mais dans un verre d'eau. Voilà. Alors, je sais pas ce que t'en penses toi Pierrot, mais je crois que effectivement la survenue de Marion Maréchal dans la dernière droite de la campagne, ça a été le pire du pire, parce qu'en plus il y a une espèce de mise en regard entre les héritières Le Pen qui est terrible, parce que ça casse forcément la dynamique Zemmour, c'est inévitable, parce que de l'enjeu qui sera le champion de, on va dire, de la droite populiste ou identitaire le soir du premier tour, avec Zemmour en challenger contre Marine Le Pen, on en arrive à... Oui, mais alors qui de Marine Le Pen ou de Marion Maréchal Le Pen sera celle qui va gagner tu vois. Et du coup, le mec est complètement éclipsé, il disparaît de l'équation, il a rien vu venir, le pauvre. Il faut dire que Macron, vu qu'il n'a pas fait campagne, c'est aussi une mesure de prudence, parce que du coup, il n'a pas trop... il n'a pas besoin d'avancer ses billes, donc il subit moins de critiques. Les candidats aimeraient bien justement que Macron fasse campagne, qu'il fasse des débats, qu'il se plante, quoi, qu'il prenne des risques. Macron, il n'a pas besoin de ça. Et puis quand il se mouille un peu, bah, là, il s'est mouillé dernièrement sur ces quelques derniers jours, il s'est mouillé sur des trucs faciles, quoi. Il se mouille sur le rempart fasciste contre Marine Le Pen au second tour. Donc, ouais, ça, un peu sur les retraites, voilà, oui, ce serait pas mal de repousser l'âge de la retraite. Mais ça, c'est facile. Oui, et en plus, ça, c'est sympathique parce qu'en fait, c'est des retraites à venir déjà. Bien sûr. Donc, les retraités, c'est bon. Ok, nous, parce que le boomer, lui, c'est. Attention, hein, c'est. Faut absolument que je jouisse de la vie. Ah non, mais les boomers, ils adorent les trucs pour retarder l'âge du départ à la retraite puisque c'est pour payer les leurs. Ah oui, c'est pour. Ouais, ça change la vie des autres. Voilà. Ah bah c'est bon. Non, non, mais ils adorent bien, ça. Ils adorent ce truc-là. Donc c'est pas un problème, mais ça c'est assez révélateur, à mon avis, assez inquiétant. C'est, je crois aussi qu'il y a une raison pour laquelle Macron n'a pas voulu faire campagne, outre le fait qu'il s'est dit que ça ne servait à rien, que de toute façon la démocratie ça ne sert à rien. C'est, je crois qu'il se dit de toute façon, là, vu le programme arrêté par les élites internationales, de toute façon ça ne va pas être plaisant. Donc c'est pas la peine de raconter des trucs aux gens. Ils en auront rien, donc je m'engage pas, donc j'aurai pas à répondre de promesses que j'ai pas tenues. Et là, effectivement, il a rien promis. Qu'est-ce qu'a promis Macron aux gens ? Il a rien promis. Il aura pas dit voilà les gars, les impôts on les baissait radicalement. Non, il a rien dit. Le logement, vous allez voir, le truc, l'emploi, le truc. Non. Puis il s'en tape, il balance 2-3 slogans à droite à gauche, il s'en fout. Il fait un meeting, vous en rendez compte ? Un meeting. Il s'engage à que dalle et il se dit juste voilà les gars votez pour moi parce que c'est moi c'est tout et pour moi ça c'est inquiétant à mon avis pour ceux qui sont en bas parce que si le type ne s'engage à rien bah il sera tenu par rien on pourra pas du coup il pourra avoir les Français pourront avoir une plutôt bonne image de son second mandat parce qu'il n'aura pas de bilan, il n'aura pas de promesses. Bah ouais. Et puis Macron, il peut très bien faire un troisième mandat, alors pas d'affilée, c'est pas possible par rapport à la Constitution, mais il peut très bien faire un troisième mandat. Quand plus tard. Il fait ce qu'il veut, tu parles. C'est ça en plus, hein, il peut faire ce qu'il veut, il dit voilà les gars, je suis le seul leader en place, je fais un référendum, qu'est-ce que vous en pensez de supprimer le truc là, voilà. Bien sûr. Enfin bon, ça va pas faire diminuer le nombre de nègres dans la population, en tout cas, ça c'est sûr. Alors messieurs, on attend la semaine prochaine sans aucune espèce de suspense, parce qu'on en a quand même rien à foutre, mais on verra bien hein, les résultats donc de dimanche prochain, histoire de s'amuser, hein, les petits gars. À la semaine prochaine, les amis. Aïe, Hitler. À la semaine prochaine. Au passaran, à la semaine prochaine. Allah Akbar.